Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le 15e jour de la deuxième lune de la teinte sanguine de l'an 1131. Cela fait une semaine, jour pour jour, que beaucoup de choses ont changé pour vous. Il faut dire que l'intervention de Caillou ne nous a pas laissé indifférents, loin de là. Oh, terrible est le sentiment d'impuissance quand on vous demande de trouver un fantôme, de former votre relève, et le tout dans une efficacité qui relève du miracle. Cet odieux sentiment est malheureusement resté depuis ce jour, et oh cela pour bien des raisons. Votre première amertume provient de Kornilov. Oui, la seule chose que vous avez de lui, aujourd'hui, c'est sa tenue et son badge de métropolite, plié, posé sur la table de votre QG. Et ce, depuis son départ ce soir-là. Vous n'avez aucune nouvelle, et si vous avez essayé d'en obtenir, j'ai le malheur de vous prévenir que cela ne vous a fait que tirer de la poudre aux albâtres. Une absence qui ne vous aide en rien, d'autant plus qu'elle n'est pas la seule. Alors que vous continuez votre enquête, il y a 4 jours de cela, Victor fut appelé par le ministère de la Propagande. Vous ne l'avez pas revu depuis. Tout ce que vous savez, c'est que officiellement, il a une mission temporaire de haute priorité à gérer là-bas. On vous a annoncé qu'il vous rejoindrait dès que possible, mais les faits sont là. Voilà 4 jours que vous ne l'avez pas vu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui est un nouveau jour, et comme à votre habitude, vous devez continuer votre mission de métropolite. Quoi qu'il en soit. Alors cette matinée du 15e jour de la deuxième lune de 1131, je vous demande, vous qui êtes réunis au QG Indico, que faites-vous? Que désirez-vous accomplir durant cette journée? De mon côté, j'ai pas grand-chose en tête, donc je vais demander à Hugo si lui, il a une piste, quelque chose à proposer. Eh bien, pas tellement, non. Eh bien, la journée va s'avérer assez peu enrichie, on dirait. Est-ce qu'il nous restait des missions secondaires à faire? Ou est-ce qu'on a reçu d'autres depuis? Ah, moi, je me permets d'intervenir juste pour dire qu'effectivement, vous remarquez, vous n'avez pas reçu de plaque depuis le début de Sanguine. Oh, si tu veux, si vous voulez, on pourrait aller voir le fracasse cartel de l'arbre. Peut-être qu'ils auraient des choses intéressantes, mais je sais pas. C'est vraiment si on n'a rien d'autre à faire. Si officiellement on n'a aucune mission de la part du ministère, oui, pourquoi? Non, bah, je sais pas. Il y a peut-être du tri à faire dans les plaques, ça me paraît plus intéressant. Non, oui, rien du tout. Bon. Ok. On pourrait faire prendre un congé peut-être. On peut toujours faire un avis. J'ai entendu dire qu'il y avait des très bonnes pièces en ce moment. Peut-être du masque, on pourrait aller en voir une, si tu veux. Avec plaisir. Ok. Quoi qu'il en soit, du coup, pour résumer, vous avez eu quelques propositions. Et je sais pas du coup laquelle vous préférez entre aller voir une petite pièce de théâtre et aller voir un petit groupe qui nous a rien demandé. Moi, la pièce de théâtre, ça me va bien. L'idée me botte, et après, on pourra, au pire, chacun faire 2-3 activités de notre côté. Tout à fait. Et bien, soit, on va prendre notre matinée. Et puis, donc, on va aller au théâtre du masque. Eh bien, vous préparez à sortir. Comme d'habitude, hein, nous sommes en sanguine, donc dehors c'est plutôt de la pluie et du vent qui vous attend, donc vous devez vous préparer en conséquence. Une fois mis vos manteaux et ce genre de choses, vous vous préparez à sortir et À vrai dire, au moment où vous ouvrez la porte, vous tombez sur Alceo qui semble tituber un peu comme si il avait saisi votre heurtoir et vous avez ouvert la porte en même temps. Je me protège la joue. Tu vois... Monsieur ? Monsieur, je vous en prie. Ah bah, excusez-moi, je... vois que je tombe au bon moment. Je rentre ? Oui, oui, je vous en prie. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. On laisse rentrer et on l'installe. Enfin, il s'assoit. Sans que c'est assez haut, hein, si jamais. Vous voyez que il rentre, hein. Il s'installe, vous lui servez soit une petite absinthe, un truc du genre, quoi, genre le truc habituel pour accueillir quelqu'un chez soi. Et vous voyez, il a un visage un peu différent de d'habitude. Il a un air sérieux, certes, mais pas grave. Hein. Ce qui est plutôt étonnant, vu les circonstances actuelles, et surtout la dernière fois que vous êtes vu. Et vous le voyez se redresser assez rapidement et faire « Bon, jeune loup !» Je suis ravi de vous dire que je vous apporte certaines nouvelles et des nouvelles plutôt satisfaisantes, compris. À vrai dire, voyez-vous, je sais évidemment dans quelle situation vous êtes et Eilig et moi, nous activons pour s'en tenir au mieux. Et même si cela fait que nous avons dû vous retirer Victor pendant quelques temps, mais cela est autant pour le bien du ministère que pour le sien, compris. Je vous annonce. Vous allez pouvoir sortir la tête de l'écrime quelque temps et nous avons trouvé une enquête prioritaire pour vous. Et quand je dis prioritaire, j'entends surtout que ça passe au-dessus de cette écornifleur d'Il Procedimento. Ah oui. Et elle sera sûrement plus simple à résoudre pour pas vous mentir. Et quant à Cagno, vous inquiétez pas, il est actuellement occupé autre part et il viendra pas vous rendre visite avant un bon petit moment. Donc voilà, vous allez me faire plaisir. Et vous allez oublier Procimento, vous allez sortir de ce QG et découvrir des nouvelles têtes à mettre à la gêne. Compris ? Compris. Bien. Mais l'enquête est très avancée et vous êtes sûr que nous retirer. Enfin, je pense. Que quelques jours ne vous séparera pas de Procedimento, je comprends à la fois votre avancement, mais de l'autre, sauf si vous considérez que vous êtes sur le point de l'attraper, dans ce cas-là je suis ravi de l'entendre et je vous laisse s'en occuper, mais si jamais vous êtes dans un moment plutôt critique, il sera peut-être plus préférable que vous ayez quelques jours pour vous reposer avant de reprendre à la charge l'affaire. Personnellement, je le vois comme ça. Après, si vous, une fois encore, si vous me dites que pour vous, vous êtes sur le point de l'avoir, au point de l'avoir dans les 2-3 jours qui viennent, alors allez-y donc. On a besoin de réunir le groupe et de faire un gros point, donc on peut travailler pour vous en attendant, il n'y a aucun souci. Parfait. D'ailleurs, je suis désolé, mais Arnilov n'est pas encore arrivé. Il est peut-être malade aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles, on passera le voir. Au moment où il dit ça, je pose, genre, je déplace des documents sur l'insigne plié qu'il a laissé. Enfin non, c'était il y a quelques jours déjà. Ouais, c'était il y a une semaine d'ailleurs. J'imagine qu'on l'a décalé depuis, ouais. Oui, tant que c'est pas la ftizi. N'osons pas trop le mettre dans la sauce pour l'instant, je vais protester ce petit mensonge. Tu vois, je vois. Bah, j'espère qu'il n'y aura rien de grave. Bien. Alors, votre affaire, la fameuse affaire prioritaire, alors, je vous explique ce qui s'est passé. Voyez-vous, il y a eu un accident pas plus tard qu'hier, et 3 hommes ont perdu la vie dans un, du coup, malheureux accident avec une énorme barre de métal qui s'est décrochée de la serre métallique du quartier. C'est arrivé au quartier suspendu, et comme vous le savez, le quartier il sert de jardin avec de nombreuses serres et beaucoup de constructions en métal, donc on peut dire qu'il fallait bien que ça arrive avant. Cependant, votre chance à vous et la malchance pour beaucoup d'autres, c'est que parmi les victimes, il y avait une diplomate qui vient de Nordanie. Et donc, de fait, comme cette diplomate est plutôt importante, eh bien, l'affaire vous revient de droit, étant donné que vous y allez tout simplement en tant que cellule inter-empire des enquêtes et des recherches de Venise. Vous êtes la fameuse cellule neutre qui permet d'enquêter pour s'assurer qu'il n'y a pas eu attentat, qu'il n'y a pas eu volonté de nuire, notamment à la Nordanie. Deux autres Vénitiens sont morts aussi, mais il faut aussi déterminer si c'est juste un accident ou s'ils font partie de... c'est pas des dommages collatéraux, d'une cible, quoi que ce soit. Votre mission, elle est surtout là, c'est identifier si ce que vous avez, ce qui s'est passé est un accident ou s'il s'agit d'un attentat de quelconque partie. Par contre, laissez-moi vous dire, pour le coup, nous devons être clairs hein, sur la réponse que nous allons fournir. Quand les Dames Blanches apprendront la disparition d'une importante diplomate de leur pays... et croyez-moi qu'en plus les diplomates sont très très rares hein, en Ordanie, elles vont vouloir des comptes, elles vont vouloir des comptes clairs, précis, et pour ça par contre, il faudra quand même que votre travail soit vraiment bien fait. Là-dessus je sais que je peux vous faire confiance, mais je préfère vous le dire, la Nordanie est du genre de pays à ne pas beaucoup rigoler. Compris. Très bien. Parfait. Eh bien, messieurs, je vous laisse aller au quartier suspendu et j'espère que... Est-ce que vous pouvez juste me rappeler les conditions exactes? J'ai noté les barres détachées. Oui, tout à fait. Je récapitule ça. Il y a eu c'est arrivé le soir, assez tardivement. Actuellement, les gendarmes, d'ailleurs, sont encore sur place et attendent l'arrivée de nous autres. Et... voyez-vous, il semblerait que un morceau de la serre métallique, donc une structure plutôt imposante, se soit décroché et atterri sur trois personnes. Une diplomate et deux hommes vénitiens. Je n'ai pas le détail, ce n'est pas eux qui ont attisé la curiosité des métropolites et du ministère de la Propagande, mais les gendarmes sur place vous pourront donner l'identité des deux autres victimes. Très bien, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie et j'espère que ça vous fera du bien de avoir une petite enquête pour souffler un peu. Je le sais. Il vous sait. Qu'il est venu tout seul cette fois-ci. il te salue, il boit son verre d'un coup et tout simplement vous souhaite la bonne journée et vous dit que si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien simplement il sera disponible au bâtiment institutionnel du ministère de la Propagande. À ce moment-là, je me retourne vers Hugo et je lui dis « Bon, bah, il semblerait que notre petit rendez-vous au théâtre soit reporté à une prochaine fois. » Oui, fortunément. Infortunément. Je cherchais les vélos à la... arriver à un vélo. D'ailleurs, au moment où je vais les récupérer, je regarde s'il y a celui de Cornier. Tu sors du coup ton vélo, celui-là de Hugo, et vous dirigez du coup vers les fameux quartiers suspendus. Je vous rappelle quand même rapidement ce qu'est les quartiers suspendus, parce que vous inquiétez, vous connaissez plutôt bien, surtout Esther. Puisque c'est le quartier qui se situe en haute ville et qui se situe surtout au sommet de Venise, qui est le fameux quartier qui sert de serre et qui est vraiment surplombe totalement Venise, qui permet de voir vraiment l'étendue, ce qui est assez rare, malgré le fait que c'est très en hauteur. Justement, les constructions font qu'on a tendance à gérer la vue, c'est là, c'est le plus haut endroit en fait de Venise. Et c'est là notamment où vous avez pour la première fois interrogé le père Benedacci. C'est là où Esther et Sofia ont passé la dernière soirée ensemble, histoire de profiter avant le départ de Sofia. Vous dirigez donc vers les fameux quartiers suspendus. Vous traversez en fait assez rapidement, hein, comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude. Les vélos sont adaptés grâce aux modifications d'Esther. Et vous arrivez très rapidement à dépasser les ponts, les escaliers, les plateformes. Malgré tout, ça reste un trajet assez long à faire, surtout à cause de la montée pour atteindre les quartiers suspendus. Vous avez de nombreux quartiers à traverser. Ce qui fait que une heure et demie plus tard, vous arrivez enfin à votre lieu de direction. À votre lieu de destination, pardon, sinon ça n'a aucun sens. Une fois arrivé, vous voyez directement en fait, sur place là où vous devez agir. Il y a quelques personnes qui sont vous attendre, dont des gendarmes qui vous font signe directement au loin. Cela se situe Au niveau des petits embranchements qui se trouvent, parce que je rappelle que le quartier, c'est vraiment une énorme plateforme qui est assez large, normalement assez construite, mais pour passer d'une serre à l'autre, il y a des petits embranchements, des petites espèces de ruelles ouvertes qui permettent de passer d'une serre à l'autre. Et c'est notamment sur une de ces petites ruelles ouvertes sur lesquelles vous êtes appelé. Quand vous arrivez, un homme se dirige vers vous et fait « Bonjour, vous êtes... les métropolites pour la mission ?» C'est nous. Parfait, parfait. Donc, Esther est aussi mon camarade, oui, mon collègue. Eh bien, enchanté. Moi, je suis gendarme et je m'appelle Léonie. Comment ? Léonie. Merci. Alors, pour vous situer un peu, du coup, on nous a dit que c'est à vous qu'on devait donner le compte-rendu. Il y a eu 3 victimes, et en même temps, vous voyez qu'ils commencent à se déplacer vers un peu plus vers le lieu de la scène, là où il y a eu des choses dessinées sur le sol. Alors, les victimes, c'est-à-dire que... elles sont au nombre de 3. Nous avons un marchand ambulant qui a été identifié comme étant Monsieur Del Morelli, qui a visiblement passé juste par là et nous n'avons pas réussi à retrouver des proches immédiatement. Nous avons Monsieur Del Morelli. Tout cela, bien sûr, sera noté très rapidement sur une petite plaque de cuivre que je vais vous montrer. C'est bien gentil de votre part. Non, c'est la moindre des choses. C'est tout à fait vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais pas avec les paiements hauts, c'est vraiment tout le temps. Eh bien, la deuxième victime, c'est Monsieur Petri. C'est un urbatech qui travaillait dans le coin. Et qui, malheureusement, semblait aussi n'être que de passage, comme la dernière victime. Il s'agit de Madame Démange, et qui est pour le coup la fameuse personne qui fait que vous êtes là, puisqu'il s'agit d'une diplomate nord-danienne. Et donc, il va falloir estimer s'il y a eu volonté de tuer ou pas. Pourquoi est-ce qu'elle était ici exactement ? Quelles étaient les raisons de sa présence à Venise ? Nous, non. Tant gendarmes, nous faisons surtout la sécurité, vous savez, principale. Donc, nous avons veillé à ce que personne touche au corps. Nous avons ramené les corps. Ils sont actuellement récupérés, d'ailleurs, par votre ministère. Et par contre, nous avons gardé 2 témoins qui se sont déclarés. Ils vous attendent là-bas, protégés de la pluie. Cependant, nous n'avons pas commencé les recherches en dès que très rapidement on nous a prévenu que vous prendrez l'enquête. Alors, je viens juste que tu me répètes la profession de Monsieur Petri et le nom de la diplomate. Alors, diplomate, c'est Madame Démange. C'est écrit, si tu veux, dans le salon. Ah, et la profession de Monsieur Petri, c'est urbatech. C'est les gens qui gèrent tout simplement. Les technologies liées aux villes, notamment les constructions, la géographie, c'est vraiment l'urba technologie, quoi. Ok. J'essaie de... Du coup, là, on voit la scène un petit peu, on va dire, du crime, enfin, la scène de crime, de l'accident, en tout cas, pour l'instant, présumé accident devant nous. Je lève la tête pour essayer de voir d'où s'est décroché le morceau de métal. Tout à fait, eh bien tu lèves la tête et en fait tu vois vraiment juste au-dessus de toi tout simplement une structure de métal, la structure de métal qui sert normalement à protéger la pluie si tu passes entre 2 serres. Et tout simplement, tu vois, c'est une structure où c'est plein d'énormes barres vraiment qui sont reliées les unes aux autres et avec en fait des matériaux entre pour tout simplement retenir la pluie. C'est notamment du verre, histoire de pouvoir quand même avoir les rayons du soleil, vu qu'on est dans des régions, enfin. Dans une zone où il y a surtout des serres, c'est logique, histoire de pouvoir tout simplement s'occuper du soleil pour les plantes. Et en fait, ce qui manque, c'est vraiment une de ces barres-là. C'est pas le plein qui est tombé, c'est vraiment la barre. C'est vraiment une grosse barre en fait que tu vois qui fait plusieurs pas de longueur, plusieurs pas de hauteur. C'est vraiment un truc très massif. Voilà. Ok, bon, j'ai acheté un coup d'œil pour voir si ça a l'air de se décrocher naturellement ou pas. C'est déjà une bonne piste. Bon, dans ce cas-là, je regarde Hugo. Déjà, j'essaie de voir par où est-ce que tu veux qu'on commence. On nous a dit qu'on avait deux témoins. On peut peut-être déjà aller leur parler, voir comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Je serais d'avis d'inspecter plus la scène de crime avant tout interrogatoire pour mise à la gêne. Ça me va. Je vais peut-être aussi en profiter pour essayer de fouiller les affaires, notamment de Madame Desmanches, voir si elle pourrait pas avoir des documents, donc un document type plaque de cuivre ou enregistrement qui aura pu conduire pour une raison X ou Y à se contenter de se débarrasser d'elle. Puis on interrogera tout le monde, et puis déjà on ira regarder en haut si ça a l'air d'être un accident et qu'on n'a aucune raison de penser que ce n'est pas le cas, bah, on pourra classer l'affaire déjà. Et puis on pourra peut-être même avoir le temps d'aller regarder la pièce dont on parlait ce matin. Tout à fait. Eh bien, vous vous coordonnez, mais avant ça, il se passe autre chose. Vous voyez au loin, Kornilov, non habillé en métropolite, mais bien habillé en civil, hein, qui s'approche de vous, un air un peu essoufflé, comme s'il avait dû se dépêcher. Vous lui faites signe de la main de la même façon que le gendarme vous a fait signe de la main pour qu'il vous repère. Hein. Et une fois que vous voyez vraiment qu'il s'est repéré, vous voyez Kornilov tout simplement vous rejoindre. Kornilov, je te laisse saluer tes amis. Salutations tout le monde. Ça va faire longtemps qu'on t'avait pas vu. Oui, j'étais avec... Enfin, occupé. T'es tombé sur Alceo, c'est lui qui t'envoie ? Oui, c'est lui qui m'envoie justement vous retrouver ici même. Et comment est-ce que tu l'as croisé ? En revenant. D'accord. On t'a briefé un petit peu sur ce qui se passait par ici ou tu veux qu'on fasse un récap ? On m'a absolument rien dit, mis à part vous retrouver immédiatement. Alors, y a deux possibilités. Actuellement, nous sommes face à trois cadavres qui se déplaçaient donc dans ce cher quartier suspendu, jusqu'à ce que leur marche ne soit interrompue par une barre métallique qui servait à soutenir une autre plaque métallique qui, elle, sert à protéger de la pluie. Ne se détache et ne fasse une chute vertigineuse en leur arrivant en plein dans la face. Donc nous sommes donc face à trois morts, dont un marchand ambulant, un urbatech, donc une espèce d'ingénieur qui s'occupe de gérer plein de trucs à Venise, au niveau des bâtiments, des infrastructures, ce genre de trucs, mais surtout une diplomate de Nordanie. Pour l'instant, on vient juste d'arriver, on n'a pas encore eu le temps de tout inspecter, on n'a pas spécialement de raison de penser que c'est pas accidentel, donc à nous de faire tous les petits check-up habituels, de regarder un petit peu tout ce qu'il y a à faire, et de regarder s'il y a eu des intentions pas criminelles à la base. Si jamais c'est pas le cas, eh bien on pourra clôturer cette affaire, et on a prévu avec Hugo d'aller voir une petite pièce de théâtre à la fin de la journée. Malheureusement, s'il venait à s'avérer qu'on trouve quoi que ce soit de compromettant, alors là, il faudra faire très attention parce que je ne sais pas si Alceo te l'a fait savoir, mais pour lui, cette mission est plus importante que l'affaire Il Procedimento même. Je parle un peu moins fort quand je prononce le nom d'Il Procedimento au cas où des gendarmes autour m'entendraient parler de trucs dont ils ne sont pas censés être au courant. Donc voilà, donc une plaque détachée, ça servait à protéger les serres, c'est tombé, trois morts. C'est arrivé hier soir, donc c'est encore relativement récent. On a des témoins de l'accident qui auront peut-être des informations à nous donner. Là, on s'apprêtait simplement à inspecter la scène de crime, les corps, fouiller les documents, notamment de la diplomate de Nordanie, parce que c'est... On va pas se mentir, sa présence justifie quasiment toute l'enquête. Je pense que des accidents comme ça, ça doit arriver de temps en temps. Mais là, le fait que quelqu'un d'important ne décède, ça a mis un petit peu tout ça en place. Et puis, voilà quoi. Je sais pas si t'as des questions, quelles qu'elles soient. Non, je pense que j'ai compris. Néanmoins, j'aurais une remarque à faire. Vas-y. À toi, ma très chère Esther. Je te prie de faire attention quand tu toucheras au corps de notre regretté diplomate. Essaye de le laisser dans les mêmes positions et essaye d'altère pas trop que nous puissions bien voir. Alors, les positions, par contre, ont été modifiées, parce que, comme dit les métropolites qui gèrent notamment le côté médecin, a déjà commencé à récupérer les corps, pour éviter tout simplement de laisser des corps morts sur la route pendant 24 heures, quoi. Donc, il y a quand même déjà une première gestion des corps, donc vous pouvez aller les voir, mais ils sont pas laissés, en fait, sur le lieu même, quoi. Ils ont été mis de côté. Voilà. Très bien. Bon, bah, fais comme tu veux. Eh bien, maintenant que vous êtes trois, je vous redemande, du coup, que faites-vous là, tout de suite, dans un premier temps? Est-ce que vous allez voir les témoins? Est-ce que vous allez voir directement sur la structure? Est-ce que vous regardez le sol? Dites-moi tout. Eh bien, oui, pour ma part, en tout cas, je compte aller observer la serre, et donc l'endroit où est tombé précisément cette poutre, de constater l'état de la serre. Je sais pas si j'ai bien compris ce que tu veux dire. Moi, je serais plutôt d'avis que ce soit moi qui inspecte l'endroit où ça s'est détaché, étant donné que j'ai une expérience dans les usines et dans tout ce qui est système mécanique, etc. Je serais peut-être plus à même de voir si jamais il y a eu un trace, enfin si ça a été saboté ou pas. J'ai pas compris si c'était ça exactement dont il parlait, mais. Lui, c'était monté sur la serre. Donc, dans ce cas-là, je te propose de le faire à ta place. Et toi, si tu veux inspecter les documents que pouvait transporter la diplomate ou fouiller les cadavres, savoir ce qu'ils avaient sur eux, peut-être que quelqu'un a quelque chose d'important. Ou interroger les témoins avec Kornilov. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire, n'hésitez pas. Mais je pense que ça, c'est une mission qui est vraiment pour moi, pour le coup. J'ai l'habitude avec ce genre de truc. Bien. Si ton souhait est très bien, je vais te laisser cette partie. Et je vais vaquer sans doute à l'inspection des corps, comme tu nous as suggéré. Kornilov. Eh bien, du coup, moi, je vais me charger des témoins, du coup. Ok. Commençons. Ok. Commençons, du coup, par la personne qui va grimper sur la serre. Esther, toi, tu connais en fait un peu les constructions comme ça, même si toi, ton truc, c'est plus les constructions à ton échelle. Hein, toi, c'est plus vraiment l'anthropomécanologie que l'urba-technologie. C'est ce que j'allais dire. Malgré tout, tu as quand même des connaissances, tu participes quand même au fonctionnement d'une usine, ce genre de choses. Donc, tu connais quand même les bases et tu sais en fait que tu connais les postes de sécurité qui servent en fait à grimper sur les structures comme ça, tout simplement parce que tu sais que c'est des structures qui sont énormément rénovées. On est dans un monde où la ressource certes est rare, mais où la construction doit jamais être perdue. Donc on considère que prendre des ressources pour réparer, c'est toujours mieux que laisser se dégrader et laisser les choses tout simplement tomber dans les crimes et perdre simplement des ressources précieuses. Donc malgré tout, les crimes la toile a quand même cette logique de réparer, c'est quand même mieux que perdre. Et du coup, tu sais où trouver ce poste de sécurité, tu sais comment commencer à grimper sur cette fameuse serre pour atteindre l'endroit où est tombée cette barre de métal. Tu y accèdes assez rapidement. Et je vais te laisser te faire du coup un petit test. Je vais faire plutôt comme ça. Je vais te laisser faire un test d'anthropomécanologie, mais du coup sans bonus ni rien. Au mieux de te donner des bonus sur l'urbotechnologie. Voilà. Alors, wow. Je précise pour Kemao qui n'était pas là tout à l'heure que la MJ n'a pas eu le temps de mettre à jour nos fiches, mais que le level up est bien actif. Hein, donc si jamais tu devais faire un test lié à ton level up, c'est d'actualité. Ensuite, J'ai actuellement fait 5 et 6 sur mes dés. J'ai 6 en anthropomécanologie. J'ai donc fait 17. Et je crois que c'est un des meilleurs scores de test d'écriture que je n'ai jamais fait depuis le début de la campagne. Alors, sachant qu'il y a une marge qui est toujours quand même limitée par ta compétence, mais ta compétence est de 6, donc... Mais c'est ça, du coup. Ouais, donc c'est... Ouais, donc c'est quand même, oui. Putain de jet. Il n'y a pas le bonus de... Oui, non, il n'y a pas d'actualité. Non. Enfin, en fait, c'était soit je te faisais le deuxième jet d'urban technologie, mais avec des bonus, mais je préfère te laisser anthropomécanologie sans bonus. Et... Ok, tu observes, et en fait, tu vois directement quelque chose qui, toi, te saute aux yeux. C'est... pas normal. Déjà, c'est pas normal parce que le métal en fait qui reste, parce que en fait, sur verre, bah, vu que c'est tombé, bah, les bouts sont quand même restés, eux sont extrêmement bien entretenus. Donc tu sais que déjà, c'est pas quelque chose qui s'est juste effondré parce que c'est usé. C'est pas possible. Le métal, il est beaucoup trop bien entretenu et clairement, si le morceau. Enfin, là, c'est vraiment tombé. Là, c'est justement la deuxième chose qui te choque, c'est que. C'est sectionné, c'est-à-dire que en fait, ça se voit peut-être moins quand tu vois le morceau qui est au sol, mais quand tu vois toi au-dessus, en fait, c'est plutôt clair que vraiment ce qui est tombé, c'est la barre droite, c'est-à-dire que c'est vraiment comme si tu avais coupé la barre aux deux extrémités et qu'elle était tombée. Ce qui est très étonnant, parce que bah, tu sais que quand ça, quelque chose se dégrade et tombe, c'est très rare que ça reste vraiment droit et que ça soit vraiment quelque chose de très précis comme ça. Et quand je te dis d'une droit, c'est vraiment extrêmement droit. Même pas une petite ondulation. Donc, c'est quelque chose qui te saute aux yeux, c'est que ça n'a pas pu tomber naturellement, mais surtout, enfin, il te faudrait des outils très avancés pour pouvoir, comme ça, couper un morceau de métal qui pèse tu sais pas combien de tonnes. Et, enfin, peut-être pas des tonnes, mais tu me comprends. Mais en tout cas, le fait est là, quoi. C'est très lourd et il faut le couper. Et surtout, si tu vises quelqu'un, il faudrait qu'il soit vraiment coupé, genre pile au bon moment, très rapidement, sans faire de bruit. Déjà, ça attise ta curiosité. Tu comprends pas comment ça a pu tomber. Est-ce que tu as des questions? Je peux y répondre si tu veux. Yes, alors j'ai une micro-coupure, mais je crois que j'ai tout compris. Donc, en effet, c'est quelque chose de très lourd, et ce qui est étrange, c'est que ça aurait dû faire du bruit si jamais quelqu'un l'avait découpé. Moi, la théorie qui me vient en tête, et tu vas me dire si ça m'a l'air plausible, c'est que potentiellement, c'était pré-découpé à l'avance, et que quelqu'un ait juste fini le travail, entre guillemets, mis le coup de grâce au moment où les gens sont passés en bas, et potentiellement la cible du meurtre. C'est une théorie qui se tient. Ok. L'autre question, du coup, c'est a priori, je peux complètement mettre de côté l'hypothèse d'un accident. Ça n'a pas l'air d'être naturel, ce qui s'est passé. Genre, ça a l'air d'être... Oui. Ouais. Okay. C'est pas naturel. Ok, parfait. La dernière question que je vais me poser, c'est que, en mettant à la place de quelqu'un qui voudrait faire tomber, du coup, cette énorme poutre sur quelqu'un qui passerait en dessous, est-ce que l'emplacement de la découpe a l'air d'avoir un intérêt particulier, on va dire, est-ce que ça se trouve à la croisée entre plusieurs chemins, est-ce que ça, enfin, la position a l'air d'avoir un sens, est-ce que ça se trouve devant, je sais pas moi, la sortie d'un autre bâtiment plus loin, ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire, est-ce que je me dis que ça aurait été plus pratique de le faire autre part ou pas? Comme dit, c'est un passage entre deux serres, donc c'est pas sur la grosse route principale qui sert vraiment là où les gens marchent, font leur balade. Mais c'est une petite morceau de route qui est reliée directement à cette grande route. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de passer par une serre pour arriver sur cette route-là. Donc c'est quand même un petit centre où les gens vont marcher. Mais malgré tout, ça reste... ça reste du coup... c'est pas non plus, tu vois, genre c'est pas le centre principal où plein de gens vont passer. Mais voilà, c'est pas non plus isolé, c'est pas la petite rue non plus de l'autre côté. Alors, ça m'étonne. Alors juste... Donc c'est une sorte de tunnel qui relie deux serres. Alors c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ça relie deux serres, sachant que pour le coup, c'est le sort. C'est vrai, le tunnel, mais après c'est un tunnel vraiment très haut. Tu vois, genre faut pas avoir un tunnel où t'es serré. C'est vraiment un truc très très aéré. Et avec des vitres qui ferment le truc et qui donnent directement sur la grande route principale. Donc, contrairement à d'autres où ils sont fermés d'une serre à l'autre, là, c'est vraiment un truc où tu peux passer, en fait, pour traverser, en fait, si tu préfères. Tu vois, tu vois une espèce d'ovale, ça serait le quartier suspendu, et en gros, pour traverser, tu peux passer par ce genre de chemin, pour passer d'un au point à l'autre. À ce moment-là, je me pose une question, c'est... Et tu me diras peut-être que tu auras une réponse à me donner, peut-être pas, peut-être qu'il faudra que je fasse d'autres investigations pour ça. À quel moment quelqu'un qui voudrait se déplacer dans Venise aurait-il intérêt à emprunter cette petite portion de route plutôt que l'avenue principale? Bah, vraiment... J'imagine que la diplomate, elle n'était pas là pour visiter les serres. Je pense qu'elle était là de passage et qu'elle a décidé d'elle-même de passer sur les petites routes. Alors, est-ce que quelqu'un l'a déplacée ou est-ce qu'il y a une raison évidente qui ferait que j'ai envie d'emprunter cette petite portion? La seule raison, encore une fois, c'est vraiment si jamais en fait, tu veux très rapidement traverser en fait, vraiment de l'extrémité nord à l'extrémité sud ou l'extrémité est à l'extrémité ouest, le quartier. C'est une façon rapide parce que sinon en fait t'as un petit détour parce que ça a vraiment une forme ovale en fait comme quartier. Donc c'est à dire qu'au mieux de faire une prolongation tu passes au milieu. Mais ça veut dire que c'est interne au quartier comme type de déplacement ou alors c'est pour flâner parce que c'est aussi pas mal utilisé pour les gens qui flânent la nuit mais ou le jour. Mais voilà c'est pas il y a pas de raison particulière. C'est à dire que par exemple pour rejoindre un autre lieu c'est pas forcément non plus un point de passage stratégique quoi. Très bien, je te remercie. Je laisse le jeu aux autres. Parfait. Hugo, dis-moi tout. Tu vas aller voir les corps. Donc les corps en fait sont conservés actuellement un peu plus loin, tardivement. Et tout simplement, tu vas demander au gendarme de te laisser accéder au corps. Le gendarme te laisse y accéder, puisque de toute façon, tu es métropolite et que, officiellement, les corps reviennent aux métropolites. Ah non, mais je demande pas. Bah, ouais, tu demandes pas, tu le pousses. Parce qu'il est en mode sécurité, tu fais non, mais je passe. C'est ok, ça c'est moins dans l'art des choses, mais il n'y a pas de souci. Et. Du coup, tu rentres, mais tu vois que du coup, il va pas te retenir ou dire des choses. Voilà, de toute façon, il sait que voilà, c'est pour les métropolites, donc t'es en tenue, donc il y a pas de souci. Tu vois, du coup, les trois corps est pour le coup en assez mauvais état. Hein, c'est pas forcément très agréable à regarder, vu que de toute façon, il y a une masse énorme qui les a écrasés, donc les corps ont été pas mal amochés. Dis-moi, du coup, ce que tu fais, si tu cherches quelque chose de particulier, etc. Alors tout d'abord, je vais interroger un gendarme qui est à côté. Et qu'est-ce qui leur est tombé exactement sur une IPN? Je n'ai pas compris le sens de votre question. C'est, qu'est-ce qui est tombé c'est, comme partie de la... C'est une IPN? C'est... Comment dire... C'est une des barres qui retient en fait les surfaces de verre. Donc c'est une grosse barre de métal de plusieurs pas et de vraiment très lourde. Quelque chose comme ça, par exemple. Tout à fait. Bien, vous noterez car vous devriez être compétent et savoir ceci. Ça s'appelle une IPN. Enfin, je vais pas vous apprendre votre métier tout de même. Bref. Mon métier n'est pas lié à ça, mais je note. Donc, c'est... Comment dire Où est-ce qu'elle est? Oui, elle a été mise sur le bord de la route, juste à côté de là où elle est tombée. Quoi. Nous l'avons juste déplacée. Très bien. Les corps, à part... Vous les avez déplacés, vous n'avez touché à rien d'autre? Non, non, non. Comme à chaque fois, on respecte les ordres, notamment du ministère. Les corps sont placés en sécurité, en dehors de vue d'indiscret. Et puis, le reste, ce sont des membres de loges et autres scientistes qui ont accès et qui peuvent toucher. Nous, en tout cas, nous touchons à rien. Ils sont en état. Parfait. Alors, je vais examiner minutieusement, avec un mouchoir tout de même, garder de l'odeur, m'essayer de me garder de l'odeur, et je vais étudier minutieusement, je vais voir quelle partie de leur corps a été compressée, écrasée, genre de choses. Alors, je veux m'intéresser aux blessures, on est les mêmes. Eh bien, tu vois que c'est des parties qui sont un peu différentes, sûrement parce qu'ils n'ont pas dû être placés au même endroit au moment où c'est tombé. Pour l'un des Vénitiens, c'est tombé directement sur le crâne. Donc vraiment, il était vraiment juste en dessous et ça lui est tombé dessus. Pour les autres, c'est moins directement sur le crâne, mais c'est plus en fait lié à des parties quand même supérieures qui ont pris. Donc ça se situe de toute façon majoritairement pour les trois au niveau supérieur du corps. Très bien. Maintenant, comment sont habillées les victimes? Rien d'anormal, rien de suspect? Non, rien d'anormal, on est dans un quartier de la haute ville et ils sont habillés comme des personnes qui sont plutôt habituées de la haute ville. Ils sont plutôt bien habillés chacun. Après, il y a tout ce qui a été ramassé de leurs vêtements. Genre, tu vois que sur l'un des deux hommes, il y a un haut de forme un peu grand qui a été mis de côté. Mais c'est-à-dire qu'il devait le porter avant que ça lui tombe dessus. Mais à part ça, non, il n'y a pas de choses particulières vraiment dans les vêtements. En tout cas, rien qui ressort. Bien. Messieurs, enfin, je me tourne vers les gendarmes. Oui. Vous n'êtes absolument pas habilité à toucher les corps, c'est bien ce qu'on me dit. Ma foi, oui. Même si je vous mandate pour le faire. Ah si, dans ce cas-là... Bien, fouillez-moi tout ça. Retournez toutes les poches. Et... mettez-les en culotte s'il le faut. Tu vois que... deux gendarmes se regardent et puis... bon, ils haussent un peu les épaules et font très bien. Et ils se mettent du coup en action. Moi je me mets un peu en retrait, je regarde comme ça. Je leur donne des ordres, mais non, pas comme ça qu'on retire une chemise, enfin. Tirez d'abord sur la gauche, ou défoncez le bouton. Bref. Tu vois qu'ils écoutent. Malgré tout, tu vois genre qu'ils sont conciliants. Et bon, ils vont sortir du coup un peu les effets personnels pour chacune des personnes. Comme souvent, il y a... pas énormément de choses qui ressortent. Ils ont sorti un paquet de cigarettes, ils ont montré voilà, diverses choses comme ça. En tout cas, aucun d'eux portait une arme. Et le reste, ce sont des accessoires de vie, ma foi, tout à fait normal. Il y a quelques liges, il y a même quelques hurles. Et voilà. Quoi. Bien, disposez maintenant tout ceci auprès des corps respectifs dans lesquels vous les avez trouvés. Ils le font. Dis-moi ce que tu veux, je réponds à ta question. Eh bien, est-ce que je pourrais regarder attentivement qu'est-ce que je pourrais observer attentivement sur un cadavre ça, j'ai constaté les lésions, les fouiller. Ah oui. Dans quel sens étaient orientés les corps lorsque vous les avez trouvés? Enfin, je veux dire, est-ce que il y en a un qui partait dans un sens, l'autre dans l'autre? Est-ce qu'ils se croisaient? Est-ce qu'ils allaient tous dans la même direction? Deux se dirigeaient vers l'est et la dernière personne se dirigeait vers l'ouest. À savoir, donc. Donc l'homme et la femme, donc ce vénitien là, et la femme se dirigeait vers l'ouest, et cet autre vénitien, celui qui est l'Urbatec, se dirigeait vers l'autre direction. L'ouest, si je me suis pas trompé. Oui. Très bien, donc. Nous consignerons tout ça. Ne semble pas avoir d'autres idées. Ok. Tu vas pouvoir rejoindre Esther et vous faire un récap, mais avant cela, on va passer à Kornilov. Kornilov, tu t'approches de deux personnes qui sont abritées simplement sous un petit morceau de métal qui permet de ne pas être totalement trempé par la pluie. Et il s'agit d'un homme et d'une femme, pour le coup. L'homme, c'est un homme avec une moustache, un bouc, une longue crinière de cheveux noirs. Et tu trouves qu'il a un regard un peu suspicieux. De côté de la femme, hein, quand tu les jauges comme ça un peu au regard, la même chose, des cheveux noirs, des yeux en amande, et surtout tu remarques, t'as l'impression comme ça, niveau physionomie, d'apercevoir un peu quelque chose de Lansquet dans sa façon d'être habillé. D'accord. Bon, mais du coup, je vais me présenter et... Bonjour, enchanté, vous pouvez m'appeler Monsieur Wisniewski. Pour le bien de cet exercice, faites comme si j'étais arrivé assez récemment et que je ne connaissais pas encore très bien l'histoire, donc racontez-moi tout ça. Très bien. Là, c'est l'homme qui parle. Alors, moi, c'est Jérémia et... En fait... voyez-vous, j'étais à quelques mètres de là, enfin quelques pas, excusez-moi, de là, et excusez-moi, en fait, c'est juste tombé, c'est assez incroyable, mais un énorme bruit de choc, et vraiment, je sortais du café chez Scamozzi, et quand je suis arrivé, enfin, j'arrivais quasiment à leur niveau quand c'est tombé, ça aurait pu tomber sur moi, c'est... Vous l'avez vu ou vous l'avez entendu puis vu ? Je l'ai vu et entendu en même temps, mais je n'ai pas réalisé d'abord ce que j'ai vu, c'est vraiment le bruit du métal contre le sol qui m'a fait réaliser. Mmh. Et vous ? Bien, tu vois que elle faisait pas forcément attention, tu vois, genre elle te regardait, mais sans plus, tu vois, elle était pas vraiment impliquée. Quand tu dis vous, tu vois comme si elle sortait de ses propres pensées. Eh bien, je confirme, personnellement, je l'ai entendu avant de le voir. C'était si rapide. Il y a eu un fracas très étrange, mais juste avant la chute, j'ai l'impression, j'ai entendu deux bruits, j'ai l'impression, je ne saurais dire si c'est moi ou si c'est évidemment quelque chose, voyez-vous, que j'ai interprété, que ma mémoire déforme, mais réellement... Il y a eu un premier fracas, puis un deuxième. Je ne sais pas si c'est de la barre qui a rebondi, si... Enfin, je suis désolé, je ne regardais pas dans cette direction quand c'est arrivé. Où est-ce que vous regardiez ? Eh bien, je regardais plutôt vers une des entrées. Voyez-vous, j'attendais une amie. On devait passer une soirée ensemble au quartier, et malheureusement elle a été annulée à cause du malheureux événement. Je vois. Ça me paraît normal, contrairement à vous qui regardiez déjà dans la direction où le reste est arrivé. Pourquoi ? Eh bien, je marchais par là, comme dit, j'étais vraiment à quelques pas. Je marchais tout comme eux, et si j'aurais marché à peine plus vite, j'aurais pu être parmi eux aujourd'hui. Mmh. Je vais regarder un peu les alentours tout en restant à côté d'eux, hein, mais je jette un coup d'œil. Et j'aimerais savoir si... bon, je sais qu'on est un peu dans la saison des orages, donc peut-être que j'aurais pas de chance avec ça. Mais est-ce qu'il aurait été possible, avec la luminosité, de voir à travers ce grand plafond de verre et tout ça, s'il y avait une ombre, par exemple, quelqu'un qui était dessus, une ombre qui aurait été projetée au sol, du coup ? Tu regardes et tu te dis que ça dépend, en fait, d'à quelle heure c'est arrivé. Si c'est à un moment où le soleil est très, très ouvert, c'est-à-dire que soit en journée ou en soirée, c'est clairement probable, parce qu'encore une fois, le quartier suspendu est le quartier le plus haut de Venise, donc il n'y a pas de bâtiment au-dessus qui l'obstrue. Par contre, si le soleil était déjà couché, ou si c'était vraiment une matinée, ça aurait été plus compliqué d'avoir une ombre vraiment marquée. Quand est-ce que c'est arrivé ? Le soir, il était 19h, le soleil se couchait, je venais de terminer ma journée. Et tu vois que la femme te... Enfin, lève le bras pour attirer ton attention et... Excusez-moi, mais... J'ai vu quelqu'un, un homme, qui, je sais pas, il a paniqué, il s'est mis à courir après. C'était un homme roux qui... Ouais, je sais pas, c'était très étrange, c'est-à-dire que dans un premier temps, il semblait, ma foi, pas trop perturbé, et l'instant d'après, il s'est mis à courir et il est parti dans la direction totalement opposée. Je pense qu'il est important que je vous le dise. Ça peut être intéressant. Et vous, ça vous dit quelque chose, un rouquin ? Tu vois, l'homme qui réfléchit. Non, je crois pas l'avoir vu, mais... Comme dit, j'étais sous le choc. Je suis pas sûr d'avoir vu grand-chose, vraiment, de ce qui m'entourait sur le moment. Et dans cette direction dans laquelle vous regardez, ils étaient bien trois du début à la fin. Il n'y en avait pas quatre ou cinq. En tout cas, à ce niveau-là, oui. Oui, je crois que nous étions assez peu nombreux. Faut dire que c'était pile au moment où les gens diurnes rentrent chez eux et les gens nocturnes ne sont pas encore de sortie. Donc c'est le moment où la place est plutôt vide. Donc je crois qu'effectivement, ils étaient que trois dans ma vision. Et vous, madame, combien de temps entre le premier bruit et le second ? Très peu ? Ah, très peu, oui. C'est le premier, le deuxième. Vous voyez, c'est une seconde, peut-être deux. Ok. Question du coup à la comteuse cette fois-ci. Quelle est la solution ? La question, c'est si je prends en compte, disons, si je m'imagine du coup par rapport à ce qu'ils m'ont dit la soirée, avec le soleil qui aurait eu couchant, dans quelle direction irait l'ombre si elle y était ? C'est-à-dire, je pars de l'idée, avec un peu de chance, si peut-être la femme aurait vu l'ombre, si ça avait été projeté dans la direction dans laquelle la femme, elle, regardait. Alors, c'est plutôt l'inverse, que la femme regardait vraiment dans une autre direction de là où ça s'est passé, donc c'est plutôt l'homme. Par contre, c'est une belle chose que, au coup, c'est-à-dire que tu as reposé la question pour cibler, comme ça, on simplifie un peu, mais l'homme se dirigeait donc vers l'ouest, comme d'ailleurs le deuxième homme qui est mort, et il se dirigeait vers l'ouest, et justement, vu que le soleil se couche à l'est, à l'opposé, l'ombre serait vraiment projetée direction en fait l'ouest. Donc dans son champ de vision, si jamais c'était le cas. Et vous n'avez rien remarqué de bizarre, comme des ombres peut-être projetées ? Non, ça ne dit rien. Ah non, écoutez, je regarde souvent vers le sol quand je marche. C'est un tic que j'ai depuis que je suis gosse, mais là, je n'ai rien vu de spécial, non ? Donc, vous étiez seulement vous trois et vous deux, donc dans ce grand couloir, il n'y avait pas d'autres personnes peut-être plus éloignées, peut-être ? Non, comme dit, c'était vraiment... Ouais, comme dit, c'était vraiment c'est une période où il y a très peu de gens. Okay. Et tu vois que la femme, ils n'étaient pas là avant, mais très rapidement, quand il y a eu le choc, une bande de jeunes est arrivée, ils nous ont aidés, ils nous ont demandé si ça allait, et ce sont eux d'ailleurs qui ont prévenu les gendarmes, et Ils sont partis directement une fois que les gendarmes sont arrivés, mais oui, il y a eu une bande de jeunes qui arrivait très vite, donc ils devaient pas être loin. Vous savez si les gendarmes qui sont arrivés ont pris leur identité ? Je ne saurais dire, je suis désolé. Je sais qu'ils ont discuté, mais je n'ai pas particulièrement écouté. Quel est votre nom à vous ? Il me semble que je ne l'ai pas entendu. Je me prénomme Zdenka. Zdenka ? Oui. Ok. Très bien, merci. Je vais vous laisser quelques instants. Très bien. Donc, très bien. Tu t'éloignes. Est-ce que tu décides de faire quelque chose ou tu rejoins tes collègues histoire de regrouper les informations ? Ouais, je vais attendre mes collègues. Ok. Donc vous retrouvez assez rapidement tous les trois après chacun avoir fait le check de votre petite tâche. Et vous retrouvez aux trois sur le lieu finalement où est tombée la barre. D'ailleurs, ça te permet toi, Hugo, de la voir. Effectivement, elle a été décalée et en fait, elle est collée vraiment sur le bord en fait de la petite route. Et je vous laisse donc partager. Eh bien, chers collègues, j'ai plusieurs informations à vous communiquer. Déjà, nous pouvons écarter à 100% l'hypothèse d'un accident. Ce n'en était clairement pas un. J'ai inspecté du coup. L'endroit d'où est tombée la barre, il y a une entaille qui a clairement été créée. Ce ne s'est pas délogé naturellement. Et je dirais même qu'il y a quand même, malgré tout, quelques points relativement, en tout cas, étonnants. J'en ai déduit certaines choses par rapport au contexte global, mais je vais seulement vous donner ce qui touchait à mon domaine de recherche pour le moment sur cette enquête. C'est que la barre a probablement été prédécoupée à deux moments différents, car ça aurait dû faire un boucan pas possible que de la couper de A à Z. Ce qui fait que les gens en dessous l'auraient clairement entendu et auraient eu le temps de se dégager. Je pense, en tout cas, ma théorie est qu'elle a été prédécoupée et que quelqu'un devait se trouver à ce niveau-là à peu près au moment du passage et a volontairement, du coup, fini de la couper pour qu'elle tombe sur les personnes en bas. Évidemment, donc, j'imagine que vous en doutiez, mais j'ai pu constater que c'était bel et bien extrêmement lourd, hein, qu'on est vraiment face à une structure colossale qui demande de mettre en place de nombreux moyens. C'est pas la manière la plus facile de tuer quelqu'un, mine de rien. Maintenant, je saurais même pas dire s'il y avait une volonté derrière de faire passer ça pour un accident. C'est vrai que c'est une question que je te vois poser tout à l'heure, MJ, est-ce que j'ai eu une information par rapport à ça ou j'en saurais rien ? Pas particulièrement, c'est libre de toute interprétation. Ok. Parce que bon, au bout d'un moment, j'imagine que si on veut tuer quelqu'un à Venise, prendre un pistolet et s'enfuir dans une ruelle juste après, ça m'a l'air quand même d'être un peu plus pratique. Vous me direz ce que vous avez trouvé et on va voir ce qu'on peut en déduire. Moi, de mon côté, je pense que l'information la plus importante par rapport à ce que tu viens de me dire, c'est que, d'après un témoin, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de trace de quelqu'un qui aurait été justement dans les hauteurs. En tout cas, avec l'inclinaison du soleil à ce moment-là de la journée, il aurait dû être capable de voir son ombre, ce qui n'est pas le cas. C'est quelqu'un en plus qui m'a dit avoir l'habitude de regarder au sol. Donc, difficile à rater un point noir qui se déplace. Eh bien, peut-être notre homme aurait pu la faire tomber, et peut-être à l'aide de chaînes, de cordes, attachées donc, à cette poutre épaisse. Peut-être qu'elle était déjà découpée totalement et en effet retenue par autre chose, comme tu dis, des cordes qu'on aurait pu sectionner. Mais j'ai rien retrouvé, j'ai pas trouvé de trace qui pourrait aller dans ce sens. On verra. J'aurais plutôt pensé ça aurait dû être très très très long et quelque peu étrange, mais un système avec une corde qui aurait descendu jusqu'en bas, qui aurait, on va dire, enveloppé la poutre, et donc il aurait suffi de tirer peut-être pour la faire tomber, vous voyez ce que je veux dire, au bon moment. genre de choses. C'est imaginable, mais on m'a parlé aussi d'un premier bruit avant la chute. Ah. Alors, soit en tirant sur la corde d'une manière ou d'une autre, ça produit un bruit, ce qui me semblerait étrange. Soit on est face peut-être à un mécanisme plus grand, enfin plus important que simplement une corde, ou en tout cas c'est ce à quoi je pense pour le moment. Serait-il possible de marcher sur la serre ? Bien vraiment sûr. Pardon ? Je comprends toi, mais moi-même je ne sais pas. Imaginons en soi, c'est possible. Mais il y a toujours la question de l'ombre. Ouais. Imaginons que notre homme ou notre femme ait saboté, donc si TPN. En le découpant ici il y a quelques semaines, ou quelques jours, ou la nuit dernière, et ce soit tout simplement retenu de le sectionner de quelques pouces, si ce n'est d'un pouce, il aurait suffi, je pense, d'un grand coup de masse pour au final faire rompre sous le poids, et donc ça pourrait être expliqué, peut-être même un coup de masse en bas dans la structure aurait suffi. Je vous propose que nous fassions des reproductions avec peut-être des poutres plus légères, en carton. Enfin, on n'a pas de carton, j'imagine, mais en carton. N'importe quoi, on trouvera. Pour voir notamment si j'arrive à la place de la personne à pouvoir déloger ça sans ombre. Si c'est le cas, alors on saura que du coup le témoignage n'invalide rien du tout. Et si jamais vraiment il est impossible de déloger quoi que ce soit. Sans projeter une ombre sur la place, enfin sur la rue, alors soit notre témoin aura mal vu, soit il ment. Personnellement, de ce que j'ai pu tirer de l'examen des corps, les trois victimes sont bel et bien décédées d'un choc contondant. De cette. Outre, Madame Demange et Monsieur Del Morilli allaient dans la même direction et croisaient donc Monsieur Petri. Les corps ne recensent rien d'intéressant. Effets personnels. Non. Mais donc, peut-être que Monsieur Del Morilli et Madame de Mange se sont croisés de façon fortuite, ou peut-être marchaient-ils ensemble, et donc nous devrions, je pense, enquêter pour savoir s'ils avaient des quelconques liens, quelconque proximité. Oui, ça, en effet. Et est-ce qu'on sait, je pense que non pour l'instant, mais est-ce qu'on sait si une de ces trois personnes était attendue quelque part, ou si elle passait souvent par ici? Si c'est prémédité, si c'est préparé à l'avance, c'est que notre homme devait savoir qu'il allait passer. Question à la MJ, enfin la conteuse, est-ce qu'on a toujours l'autorisation d'envoyer des gens, même pour cette mission, par exemple, aller poser des questions à des proches de les victimes ou autres et nous les rapporter? Oui, toujours, je vous rappelle que vous avez... Vous avez, que je me trompe pas sur son nom, parce que je me trompe une fois sur deux avec une autre personne. Oui, c'est bien ça. Vladimir Donkov, qui est votre hurleur personnel, qui vous permet justement de lier des... entre vous et le ministère quand vous êtes éloigné. Ok, peut-être qu'on peut faire ça. Pour être sûr de pouvoir avoir énormément d'informations, en tout cas le plus possible. Bon, en tout cas, je vous montrerai bien là-haut pour fouiller un petit peu autour. Je me suis surtout concentré sur la partie mécanique, mais peut-être qu'il y a des indices que je pourrais trouver sur... Je veux dire, si quelqu'un a vraiment utilisé une masse et est parti ensuite, je pense pas qu'il l'ait prise avec lui. Hein. Je pense qu'il a dû la dégager dans les parages. Peut-être qu'on pourrait la retrouver. Parce qu'après avoir commis un meurtre, la première chose que vous voulez faire, c'est de partir en courant le plus loin possible. Avant de remonter, intéresse-toi à la poutre en elle-même, voir s'il n'y a pas un impact dessus ou quelque chose qui montrerait qu'elle a été frappée pour descendre. Ça, je l'ai pas inspecté, elle, du coup, vu qu'elle était en bas. Donc, je pense que je vais m'y attarder. Enfin, je vais y aller là tout de suite. Vous savez, si jamais elle ne tenait plus qu'à un pouce, je pense qu'un coup de main sur n'importe quel endroit de la structure. Enfin, c'est vous l'ingénieur, Aster, mais je vous dis ça d'une espèce d'intuition interdimensionnelle bizarre, mais je pense que n'importe quel coup sur la structure aurait pu entraîner sa chute. Eh bien, c'est un équilibre difficile à trouver, mais laissez-moi calculer quelques instants dans ma tête pour voir si cela me paraît plausible avec les déductions que j'en ai faites tout à l'heure. Eh bien, ce n'est pas totalement faux. Il faut d'abord trouver l'ingénierie qu'il y a derrière, puisque, encore une fois, lorsque c'est coupé droit, c'est coupé droit. C'est donc bien net. Petite question à la narratrice. Conteuse, oui, c'est ça le mot. Je l'ai. C'est quoi les outils de découpe? C'est très très précis. C'est quoi les outils de découpe du métal dans le monde des crimes, vu que, on va dire, dans un contexte de révolution industrielle dans notre époque à nous, ça aurait été la bête scie à métaux, vu qu'il n'y avait pas de meule ou de cisaille à guillotine. Quoique, mais bon, pour couper de l'IPN, c'est compliqué. La cisaille. Donc, ce serait l'acier métaux, la seule. Ouais, c'est ce que j'avais en tête. Tant que. En fait, après, je connais pas tous les détails, mais tant que les outils sont principalement faits de métal, c'est faisable dans le monde des crimes, quoi. Et comme on est quand même dans une grosse ingénierie, parce que malgré tout, il y a quand même une bonne avancée, quoi. Vous êtes dans une époque de révolution industrielle, voilà, il y a quand même les bonnes bases, quoi. Donc oui, je pense que si elle met tout ce genre de choses, sur les choses qu'on envisage, quoi. Avez-vous d'autres questions? Ou est-ce qu'on passe à l'action? Non, c'est bon. Ok. Eh bien... Ah. L'IPN, c'est quoi ces cotes? Non, en vrai, c'est quoi? C'est très gros. C'est petit, c'est quoi? C'est en termes de dimension, on va dire. De largeur, ouais, de hauteur. Très gros. Ah ouais, je suis... Ah, parce que rien que pour couper droit à l'acier à métaux, quand même, faut y aller. Alors, je pense que c'est... On fait face à un expert, là. C'est ce que je me disais, oui. Autre chose? Je regarde... Ok. Donc Esther, tu voulais voir du côté de la poutre en elle-même. Tu diriges vers elle et tu vas tout simplement regarder comme accoutumé. Ce qui, du coup, te donne déjà quelques indications, c'est que il manque pas un morceau de poutre. Tu vois qu'elle fait exactement la même taille que ce que tu envisageais quand tu étais en haut. Tu vois, il manque pas genre quelques centimètres qui auraient disparu ou quelque chose comme ça. La coupe est tout aussi droite, elle est vraiment d'une netteté incroyable des deux côtés, du coup c'est pas quelque chose qui a été rectifié. Et surtout, en regardant, en mesurant, tu vois, tu t'approches vraiment de la poutre, tu l'analyses, hein, tu trouves un objet qui a été visiblement déposé là après coup, donc... ça aurait pas de sens qu'elle soit restée là-dessus, mais plus au sens quelqu'un l'a trouvé et l'a posé là, puisqu'il y a un tout petit bouton de manchette de couleur brun bordoré qui a été déposé sur la structure. Tu sais que c'est déposé parce qu'avec la chute, le bouton aurait dû clairement sauter ou un truc comme ça, tu vois, genre ça a pas de sens, tu vois, visiblement quelqu'un l'a déposé. Peut-être un gendarme, peut-être un des témoins qui ont oublié de vous le signaler. Je le prends et j'essaie de voir s'il a l'air de provenir des vêtements de l'une des victimes. Quand tu poses la question à Hugo te répond que non. Soit il portait pas de veston, et c'est la personne qui portait un veston qui aurait pu avoir un bouton de manchette comme celui-ci, les boutons de manche ne sont pas de couleur brun mordoré. J'appelle Léodie et je lui montre également pour lui dire « Je viens de trouver ça au niveau de la poutre, c'est vous et vos hommes qui l'avez ramassé ?» Tu vois, qui a rien fait. « Ce n'est pas moi, non, mais peut-être l'un des hommes, ils ont comme ordre de ne pas toucher ce qu'il y a sur la scène du crime. Donc, si jamais il a été trouvé, il est possible qu'ils vous l'ont laissé, histoire que vous pouvez le trouver. Bien, demandez-le. Je vais demander à mes hommes. Je viens. Est-ce que je retourne le bouton dans tous les sens un petit peu et j'essaie de voir si ça m'évoque quoi que ce soit. Tu regardes, c'est un tout petit bouton de manchette. Par contre, tu remarques peut-être deux choses. C'est déjà qu'il a l'air de très très bonne facture. Tu le sens hein, dans la texture, etc. C'est genre, voilà, c'est une tenue en tout cas d'une personne aisée. Et cette couleur brun mordoré qui te semble pas anodine, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Parce que bon, c'est pas vraiment le genre de couleur que tu arbores souvent sur tes vêtements, mais ouais. Tu penses qu'il y a peut-être une signification derrière. Ok, ouais. Bon, moi, je le mets dans ma poche. Et du coup, je vais monter à l'étage, fouiller un petit peu. Enfin, à l'étage. Je vais réescalader un petit peu la structure, voir si je trouve quoi que ce soit dans les environs. Donc des indices qui auraient pu tomber, des choses comme ça. Ok. Tu remontes du coup sur la serre. Et tu vas aller regarder. Sur la serre, il n'y a absolument rien qui te saute aux yeux. En fait, les 2-3 objets que tu vas pouvoir trouver rapidement sont des objets, en fait simplement des personnes qui sont là pour justement s'occuper des structures en métal, qui sont, principalement les acrobates mécaniciens qui servent à ça, qui servent à réparer, à laver les vitres, ce genre de choses, et en gros ils passent leur journée à grimper sur ce genre de trucs, donc en fait tu peux retrouver à des points où tu sais que c'est normal de les trouver parce que c'est des trucs suspendus, c'est des attaches qui sont là pour eux, des affaires qu'ils laissent comme ça quand ils reviennent, ils n'ont pas besoin de se travailler toujours tous leurs outils, surtout s'ils travaillent sur un truc en cours. Et notamment là tu vois qu'il y a un petit tronçon qui est un peu plus éloigné, qui lui est en cours d'être en cours de réparation, c'est mieux. Donc voilà, il y a ça, mais en dehors de ces choses-là, du coup, qui relèvent du normal, tu ne vois rien, en tout cas, qui te saute aux yeux, même en faisant particulièrement gaffe. Il n'y a pas de traces de pas, il n'y a pas de choses laissées, il n'y a pas un deuxième bouton de manchette, il n'y a rien sur la serre elle-même. Ok. Bien, je redescends et je fais un petit peu un compte-rendu de tout ça aux autres. Eh bien, les autres, je vous écoute. Eh bien, moi je vais aller vers un des gendarmes et je vais lui demander. On m'a dit que un autre groupe était présent. Vous avez relevé leur nom ? Ah, oui, vous parlez. Alors leur nom, non. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps, ils devaient partir assez rapidement, mais nous avons relevé leur identité de groupe. Nous savons que ce sont des étudiants ce sont des étudiants de la loge aliéniste. Donc vous pouvez les retrouver facilement. La loge se trouve au quartier juste en dessous, si vous le souhaitez. Nous n'avons pas eu le temps de gérer leur nom, mais ce sont d'honnêtes garçons et vous les trouverez assez facilement. Ils nous ont dit qu'ils étaient facilement contactables là-bas. D'accord. Et de souvenir, ils nous avaient dit qu'ils étaient passés par le café qui se situe là juste en face et que le barman devait connaître leur nom. C'est la raison pour laquelle on les a laissés passer. D'accord. La prochaine fois, notez quand même. Ouais, monsieur. Très bien. Même si vous savez pas écrire, ça peut arriver. Je vais retourner vers mes témoins à moi. Et je vais demander, en particulier à la femme, vu que c'est elle qui l'a vu, votre requin, vous avez plus d'informations sur lui? Il avait l'air jeune? Il avait l'air vieux? Difficile à dire, puisque... Bon, bah voilà, c'est une situation un peu d'urgence, mais de ce que je me souviens, c'était un homme plutôt... Entre les deux âges, je dirais la trentaine, peut-être proche de la quarantaine, mais en tout cas, c'est pas une personne, je veux dire, une personne vraiment âgée, comme qui a des traits spécifiques, comme vous pouvez l'avoir. Et il était assez étonnant, c'est... Il était plutôt mal habillé, mais... ça c'est étrange, il était mal habillé mais avec des vêtements, vous savez, quand même des vêtements ma foi sympathiques. C'est assez étrange, ça faisait négligé et en même temps personne plutôt aisé. Je ne saurais, ça m'a choqué en fait la différence entre son veston et son haut qui était assez pathétique, mais je sais pas pourquoi mon cerveau a surtout retenu ça. Et une barbe de 2-3 jours, je dirais. Une barbe rousse plus épaisse sur les côtés, je crois. Je vois. Et vous vous connaissez tous les deux? Je parle de témoins. Hein. Pas... Tu vois qui se regarde? Non. D'accord. Et vous venez souvent ici? Tu vois, l'homme, il fait... Bon, c'est-à-dire que... J'aime bien flâner ici et là, de temps en temps, surtout le soir. C'est agréable. Je viens pas souvent non plus, mais régulièrement, mais pas tant que ça. Vous voyez, juste entre les deux, quoi. Genre, de temps en temps, une ou à deux fois par teinte. D'accord. Et ces moments où vous avez trop de temps devant vous, ils sont réguliers, genre aux mêmes dates, plus ou moins? Oh, non, non, non. Vous savez... C'est pas évident pour moi, je suis mercenaire, je suis un Rhodésien, vous savez, et comme beaucoup de personnes de mon empire, bah, c'est le mercenariat qui nous attend, et en tant que mercenaire, bah, voilà, je peux partir quelques lunes, si et là, je reviens, donc mes temps libres sont très l'inverse de régulier. Et vous ? Eh bien, moi, c'est un peu la même chose. Je suis chirurgienne depuis peu et de fait, j'ai pas mal de travail, mais je peux me permettre de passer par là. Je passe quand même malgré tout assez fréquemment par là puisque ça me permet de retrouver beaucoup d'amis qui habitent dans les quartiers voisins. Mais... Ce n'est pas régulier non plus, c'est-à-dire que je sais que, généralement, j'ai un ou deux jours par semaine, mais pas plus. D'accord, très bien. Au cas où, est-ce que vous avez tous les deux une adresse, des adresses différentes, bien entendu, où je pourrais vous retrouver si nécessaire? Bien sûr, et tu vois que les deux te donnent une adresse. Les deux de la haute ville, hein, une qui est très très proche et une qui est un peu plus éloignée, mais un peu plus proche de votre QG. L'homme est plus proche de vous, la femme est la plus proche d'ici, là, de où vous êtes, du quartier suspendu. Très bien, bah merci du coup. Elle est arrivée. Ok. Dites-moi ce que vous voulez faire, mettre en commun. N'hésitez surtout pas, hein, allez-y. Hein. Moi, je leur mets à peu près tout en commun, du coup. Donc, j'ai déjà trouvé un bouton de brun mordoré posé sur la poutre. Elle présente aucune information supplémentaire par rapport à ce que je vous avais dit avant. Ça a bel et bien été coupé de manière extrêmement nette. Et lorsque je suis retourné au de la structure pour voir ça, j'ai rien trouvé d'intéressant à proximité. De votre côté? Ah, mais c'est mon bouton de manche. Moi, j'ai rien fait pour le moment. Je vois. Pour ma part, je pense que le plus intéressant serait de retrouver le fameux groupe qui est venu en l'aide aux gens, si ce n'est au moins pour avoir plus de témoignages, si possible. Ça peut nous aider à nous remettre dans l'idée de ce qui s'est passé. D'autant plus que j'ai une petite théorie pour le moment. Mais pour moi, elle me semble un peu trop tirée par les cheveux pour qu'on la prenne en compte sérieusement. Dis toujours. Eh bien, il y avait une autre personne, a priori, d'après cette femme là-bas, qui était présente sur les lieux. Quelqu'un qui était négligé, que ce soit autant dans sa manière de s'habiller, non pas dans ses habits parce qu'ils étaient assez bien, mais aussi dans la manière de faire attention à sa pilosité faciale, et qui a l'air d'avoir très rapidement paniqué au moment de ce qui s'est passé. Ma théorie, c'est que ces trois personnes n'étaient pas visées par la foudre. Intéressant. J'imagine que la personne ne se rappellera pas la couleur des boutons de manchette de la fameuse personne un peu paniquée mais bien habillée. Parce qu'en l'occurrence, le bouton que j'ai trouvé semble provenir d'une plutôt chouette tenue. Si, maintenant, ça me rase. Je me souviens, il était roux et il avait des boutons de manchette bien bordés. On peut toujours essayer, mais je ne pense pas. C'était assez confus comme description. Est-ce que ça servira surtout si on croit cette personne et qu'on a un doute à voir si jamais ça correspond? Pour faire court, quand vous allez lui demander, la réponse est clairement que non. Elle n'a pas fait attention aux couleurs des boutons de manchette de cette personne qui est partie en courant. J'ai une énorme gifle. Non, la prochaine fois, vous ouvrez les yeux. Voilà. C'est Esther qui reproduit les comportements violents dont elle est victime. Ah, terrible. Bon, évidemment, tu le fais pas. Et... j'ai dit, parce que bon, nous on sait que c'est une blague, mais il faut pas partir du principe que tu le fais. Voilà, bon, en tout cas, voilà, la réponse est non. Et du coup, je vous laisse toujours diriger comme d'habitude. Dites-moi du coup que si vous faites, voilà, de ce que j'ai compris, vous voulez plutôt essayer de trouver ce fameux groupe. Dites-moi ce que vous entreprenez, vers où vous allez. Etc, etc. Eh bien, moi, ce que je propose aux autres, c'est déjà d'aller au fameux café où le nom des gens sont connus, et ensuite d'aller à l'endroit où ils sont censés être pour les nommer, et donc les appeler à nous. Ça me va. Parfait. Vous quittez donc le petit lieu, vous prévenez bien évidemment les gendarmes d'un geste, et vous vous dirigez vers le café. Le café est vraiment assez proche, à vrai dire, puisqu'il se situe à seulement quelques pas en fait, de ce croisement où a été victime cette pauvre personne. Vous rentrez dans le café, c'est un café, alors évidemment je rappelle que Venise est à court de café depuis un petit moment, donc c'est un café qui ne sert pas de café, mais qui garde quand même le nom café, parce que voilà, c'est vos pubs et tavernes de la haute. Et voilà, quand vous rentrez, il y a cette ambiance très de haute, tout est bien dressé, tout est vraiment très propre, les clients sont bien tenus, il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est quand même une certaine ambiance. Vous approchez du coup d'un homme assez vieilli, qui est tout simplement le tenancier de ce café. Vous voyez qu'il a un visage vraiment très ridé, au point où vous pensez que d'ailleurs il devrait même arrêter de travailler, mais il semble être toujours là. Bonjour, que puis-je pour vous ? Bonjour, nous cherchons les noms des jeunes étudiants qui ont dit avoir laissé leur présence par ici. Ceux qui étaient présents pour le fameux accident, vous en avez peut-être sûrement entendu parler. Oui, bien évidemment. Comment passer à côté de ça? Quel malheureux accident. Eh bien, voyez-vous, je J'ai le malheur de vous dire que je ne connais pas leur nom. Je pense que vous avez été dupé. Malheureusement, enfin heureusement du coup pour vous, je sais de qui vous parlez et je les côtoie plutôt fréquemment. Je sais qu'ils viennent du quartier Gilav Kaufman, c'est le quartier scientiste qui se situe juste en dessous du quartier suspendu. Ce sont des étudiants, vous comprenez, et je sais pas si par contre ils vont repasser, parce que la dernière fois je leur ai passé un savon. Pour quelle raison ? Eh bien, voyez-vous, ils ont mis du grabuge dans mon café. Je tiens au calme des clients. Lorsqu'ils sont entrés, je vous le dis, vous inquiétez pas. Voyez-vous, ils se sont moqués d'un homme. C'était un client qui passe de temps en temps. Et ils sont rentrés, ils l'ont traité de chevalier d'industrie, de menteur, de plein de choses, et lorsque l'homme est parti visiblement très vexé, j'ai été les voir et je leur ai dit qu'ils reviendront dans mon café uniquement lorsqu'ils se seront excusés. Ce fameux autre client, il ne serait pas roux par hasard? Si, tout à fait, oui, c'est un homme roux. De quelle couleur ces boutons de manche? Il ne serait pas passé aujourd'hui par hasard? Aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas vu. Vous connaissez son nom? Ah, je suis désolé. Non, faut dire qu'il s'est fait plutôt discret à chaque fois. Plein de gens ont... Disons qu'il a esquivé la conversation, je pense. Et vu la réaction des jeunes étudiants, il doit avoir une sale réputation à se traîner. Il doit chercher plutôt la tranquillité. D'accord. Il revient souvent à quel rythme? Il vient... Je dirais qu'il vient... En fait, il vient que depuis récemment, depuis, à vrai dire, la lune dernière. Mais il venait assez fréquemment, une fois par semaine, je pense. Il n'a rien laissé. Pas une adresse, pas quoi que ce soit. Il paye directement, mais pas d'ardoise. Il essaie plutôt d'être discret, donc... Vous me direz, une fois, j'ai essayé de discuter avec lui, mais ça n'a pas donné grand-chose. Je crois qu'il m'avait peut-être dit son prénom, mais je m'en souviens plus, je suis désolé. Un petit effort? Je fais bien que ça, mais vous comprenez que des clients, j'en ai beaucoup, et pour le coup, des clients plus fidèles que cette personne... Surtout qu'il me l'a dit qu'une seule fois, et quand je lui ai redemandé, il n'a pas voulu me répondre. Il a l'air d'avoir des jours avec et des jours sans. Ça vous semblait d'ici ou d'un autre empire? Non, il avait un nom... il avait un prénom qui venait bien du Gloriana, oui. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas remarqué dans quelle direction il part quand il s'en va d'ici? Généralement, il traverse la place et après je le perds de vue. Je ne suis pas mes clients, donc. Est-ce qu'il y a un client ici avec lequel il aurait sympathisé plusieurs fois? Non, comme dit, encore une fois, c'était vraiment la discrétion qui le caractérisait. Finalement, la seule fois que je l'ai vraiment vu interagir avec des personnes, c'était ces jeunes gens qui se sont moqués de lui. Le pauvre. Ouais. Il l'aura pas donné. Bon, merci pour les informations. Non, ces jeunes-là, ces fameux jeunes, à quoi ils ressemblent? Oh, c'est une bande de 5 jeunes hommes. Vous savez, un peu commun. Un peu commun. Je me souviens surtout que le chef, la petite tête brûlée de bande, là, il était blond, il avait un regard très... très perçant. Je me souviens de ses yeux verts et de ses cheveux blonds. C'est quelque chose qui ressort. Il a une coupe. Comment on appelle ça? C'est une coupe plutôt courte, mais je dirais un peu plus long que vous, monsieur, en parlant à toi, Kornilov. Eh bien, merci, merci. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'ils sont bien les biens étudiants ? Oh oui, oui, ça se voit, ils viennent toujours pour fêter leurs examens, ce genre de choses. Ça faisait peut-être 3, 4e fois qu'ils venaient. Et puis bon, c'est aussi l'âge. Très bien. Ouais, j'ai pas d'autres questions si mes camarades en ont. Je suis tout oui. Non, de mon côté, c'est bon. Je vais voir, ça ne va pas. Ouais. Eh bien, si vous souhaitez vous substanter de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va se mettre en route, je pense. Très bien, eh bien, bonne journée. Bonne journée à vous. Vous quittez donc les lieux. Nous quittons les lieux, et dès que je suis dehors, je regarde quand même mes camarades avec un air un peu fier de moi, et dis, je pense que ma théorie semble se confirmer. En effet, pour l'instant, ça va relativement dans ton sens. À la base, j'allais proposer de se renseigner sur la diplomate, mais avec du recul, on peut presque esquiver cette partie pour le moment. Dans tous les cas, j'allais vous proposer qu'on envoie nos sous-collègues s'en occuper à notre place. Comme ça, on l'aura. Dans tous les cas, il faudra l'indiquer dans le rapport. Et nous, on peut se préoccuper de la théorie la plus intéressante. Eh bien, je suis complètement d'accord. Et effectivement, Kornilov, ça fera au moins une enquête où vous avez raison. Très bien. C'est sur ces mots de bonne ambiance que vous mettez en route vers la prochaine étape. Je propose d'arbitrer le match de MMA sans règles. Je connais le son, les usines, on les organise. Du coup, je fais ce que je te disais du coup d'envoyer des sous-équipes. Oui. Je paye un messager maintenant. Tout à fait. Tu lui dis de trouver Vladimir. De toute façon, Vladimir est jamais très loin de vous. C'est son métier. Et du coup. Cédric va trouver Vladimir, Vladimir va retransmettre les ordres, étant donné que son poste de hurleur lui confère quand même des droits hiérarchiques, puisqu'en gros, c'est comme si en fait il est porte-parole de votre grade. Je demande aussi éventuellement, enfin évidemment, à enquêter sur les backgrounds des deux autres personnes, mais pareil, ouais, j'y crois pas, mais c'est par principe, si jamais on apprenait qu'il y en a un qui avait été arrêté il y a 2 ans parce qu'il avait tenté un attentat contre je ne sais quoi. Bon, là, peut-être qu'on pourrait un peu se recentrer sur lui, mais pour l'instant, on n'a pas plus de raison de ça que de le penser, donc ce sera surtout pour le rapport. Ok. C'est fait, tu demandes tout ce qu'il faut et ce sera transmis dès que possible. Eh bien, du coup, où allez-vous ? Déjà, on peut partir sur le principe d'une chose. Si l'homme en roue était la véritable cible du meurtre, alors l'assassin aura raté sa cible, s'en sera sans doute rendu compte, et c'est de dire que les jours de cette personne sont actuellement en grave danger. Il faudrait donc essayer de le retrouver le plus rapidement possible avant qu'on retrouve son cadavre, malheureusement. En effet. Eh bien, dans ce cas-là, vous reprenez vos vélos et donc vous quittez le fameux quartier suspendu, et en fait vous allez aller juste en dessous. En dessous, il s'agit d'un quartier qui lui aussi a un nom, hein, comme très souvent hein, dans les quartiers de la Haute-Ville. Parce que je rappelle que la Haute-Ville, Salir, et pas forcément la Basse-Ville. C'est donc le fameux quartier Gila Kaufmann, qui est le quartier du coup un peu scientiste de la ville. Sur ce quartier, enfin dans ce quartier, en fait, vous savez. Par réputation, ou alors vous allez apprendre très rapidement en fait qu'il y a 4 loges qui sont installées, et les loges qui sont toutes installées là, donc c'est à la fois leur QG, mais aussi des facs qui sont ouvertes, et donc qui permettent de faire ses études dans ces loges-là. Sachant que je rappelle que dans Ecrim, les études sont financées par des années de travail que tu dois à la loge qui te forme. Donc ça permet... toujours de rentabiliser un peu le tout. Et donc, dans les loges, il y a les loges de l'aliénisme. Donc, je rappelle que, du coup, le métier d'aliéniste, c'était en gros le métier de psychiatre, psychologue au 18e et 19e siècle, puisqu'on considérait que les malades mentaux étaient aliénés, ils étaient étrangers à eux-mêmes. Il y a la loge des soigneurs, qui sont clairement en gros les médecins, enfin des médecins généralistes. La loge de l'ingénieur, dans laquelle on peut trouver tout simplement tout ce qui est un rapport à l'ingénierie directe, donc surtout à la création, à la recherche et développement, si vous préférez. Et la loge du chirurgien qui développe les chirurgiens, qui permet par exemple d'opérer sur les champs de bataille, ce genre de choses, même si, fort heureusement, il n'y a plus de guerre depuis quelques années. Bref, ça c'est vraiment le quartier. C'est un quartier aussi qui est reconnaissable par le fait que elle est parsemée de ponts, et en fait sur chacun des ponts, chaque pont a un nom, et sur chacun des ponts il y a une sculpture qui s'appelle le penseur, et en gros il a une position différente sur chacun des ponts, et chaque sculpture du penseur en fait représente une des loges qui est installée dans le quartier. Ça, c'est un peu le côté culture, un peu ce que c'est vos personnages sur ce quartier-là, parce que c'est quand même un quartier assez renommé de Venise, parce que c'est que c'est scientiste, en fait Venise est tellement dédié aux arts que les petits quartiers comme ça qui sortent du lot parce qu'ils s'intéressent à autre chose, c'est des quartiers qui ont quand même une plutôt bonne réputation, parce que c'est un peu montré que malgré tout Venise ne fait pas que de l'art, même si en vrai 90% des gens sont vraiment là pour l'art. Bref, vous dirigez donc vers la loge. Vers quelle loge? Ingénieur. Très bien. Je pense que c'est clair pour les autres, mais c'est vu le piège qu'il y avait en place, il me semble que l'ingénieur s'en est mieux placé pour penser à ça. Clairement. Et surtout, l'intérêt, c'est que j'ai quelques connaissances dans le domaine, s'ils pourront pas essayer de nous raconter n'importe quoi en pensant qu'on se fera voir. Enfin, ils pourront essayer, mais normalement, je devrais me rendre compte. Très bien. Vous arrivez du coup au bâtiment institutionnel de la loge de l'ingénieur. C'est un bâtiment en fait qui est assez étonnant à observer, puisque en fait c'est un bâtiment qui joue un peu sur ce côté justement ingénierie, structure, urbatechnologie. Et donc c'est un bâtiment qui a une forme assez spécifique. Et en fait, c'est un peu c'est comme ça qu'elle a, c'est sa réputation, c'est un peu comme un parc vraiment à traverser. C'est-à-dire que voilà, c'est pas genre vous rentrez, il y a un hall, et puis après vous allez à gauche, vous allez à droite, c'est il faut monter, passer à gauche, passer un pont, passer en dessous d'un tunnel, enfin, c'est vraiment un bâtiment très, très esthétique, pour le coup. Prétentieux. Si tu le souhaites. Moi, je ne donne pas les jugements de valeur, c'est à vous de les avoir. Et donc vous rentrez et vous allez vous diriger comme ça vers l'accueil en empruntant quelques escaliers et quelques plateformes, puisque évidemment l'accueil ne va pas se situer dès l'entrée, ça serait un peu trop facile. Lorsque vous arrivez à l'accueil, c'est tout simplement un jeune homme qui vous accueille, justement. Bien le bonjour. Bonjour. Je peux vous aider, messieurs les métropolites? Oui, en effet. Nous aurions quelques questions à poser. Nous sommes sur une enquête. Eh bien, vous voulez parler à quelqu'un de particulier? Eh bien, pour commencer, êtes-vous blond? Ce n'est pas une question roleplay, du coup. Évidemment, évidemment. J'avais compris. Il est blond et te répond. Non. Il n'est pas blond, cette personne-là n'est pas blonde, elle est plutôt rousse. Non, avez-vous parlé de, comment dire, de bandes parmi vos confrères? Oh oui, tout le monde traîne en groupe. Vous cherchez quelque chose de particulier? Nous cherchons un groupe. On est à quel moment de la journée, en fait? Là, avec le temps qui est passé, vu qu'au début c'était toute la matinée, il y a eu le monde d'enquête, allez, on va être vers le midi. Ok. Nous cherchons un groupe de 5 étudiants qui sont normalement ici, chez vous, chez les ingénieurs, qui sont arrivés entre hier soir et maintenant. Ils ont parmi eux un jeune blond aux yeux verts. Ça en fait du monde, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui circulent, mais je vais chercher ça. Je Ça doit correspondre. Ils vont assez régulièrement, de temps en temps, à tel café. Ah oui, excellent café d'ailleurs. Bon, je... Écoutez, je vais aller demander. Nous avons quelques personnes en charge de tenir des comptes. Ils seront peut-être plus affaits que moi de pouvoir vous répondre. Donc je vais vous demander. Nous allons demander avec vous. Je sais comment ça fonctionne. Sûrement chez vous, vous avez sûrement une espèce de petit groupe secret de gens qui s'entraident, qui gardent des secrets. Je sais comment ça marche, les étudiants. J'ai lu à propos de ça. D'accord. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait des groupes secrets, mais soit. Bon, venez avec moi. Nous allons à l'administration. Oui, qui se dirige. Ouais. Il traverse quelques tunnels, quelques escaliers, bien évidemment. Et d'ailleurs, vous remarquez que finalement, ce bâtiment est aussi pénible à traverser que le quartier des ponts. On passe son temps à passer d'un pont à l'autre. Vous arrivez enfin simplement à une petite pièce dans laquelle se trouve en fait tout plein de plaques de cire stockées ci et là et quelques personnes qui semblent les gérer. Le jeune demande, c'est le métropolite, il demande si vous avez des. Si vous connaissez des élèves qu'on aurait ici qui traînent en bande de 5 dont l'un d'entre eux est un blond aux yeux verts. Et du coup, qui se serait absenté hier et qui serait re-rentré hier soir. Tu vois que, bon, en face, c'est un peu une gueule d'incompréhension. Et puis, ça a l'air un peu compliqué à déterminer, mais. On va aller voir en tout cas les gens qui sont rentrés hier. S'ils sont en internat, il y a moins qu'on a le nom. Par contre, s'ils habitent en dehors, ça risque d'être compliqué d'avoir l'information. Vous tenez les comptes que pour l'internat, pas juste pour les va-et-vient de... Si on devrait tenir les comptes de chaque personne qui juste rentre et sort, on aurait beaucoup trop de personnes. Vous savez, des gens viennent visiter le bâtiment comme juste œuvre d'art. Donc, puis même vous, ça veut dire qu'on devrait vous signaler. Et puis est-ce qu'un jour on va vraiment nous demander si 3 métropolites sont venus nous demander si un groupe de 5 existe dans... Ici, nous tenons les comptes des personnes dans lesquelles, qui sont sous notre responsabilité. Terrible. Bon, je ne sais pas quoi vous dire, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Bon, écoutez, je vais aller voir, allez donc prendre une petite boisson pour vous détendre et je vous retrouve dès que je peux. Je lui raconte ce qui est arrivé au patron du bar et à la témoin d'avant qui nous ont déçus dans leur témoignage. Quoi qu'il en soit, il va tout simplement vous demander de sortir parce que ouais, il a de la recherche à faire et vous allez le voir. En fait, quand il dit sortir, hein, c'est vous pouvez juste sortir de la pièce. Quoi. Et il va évidemment se mettre à rechercher et il vient vous chercher quand même une bonne demi-heure plus tard. Bon, je crois que j'ai peut-être quelqu'un qui correspond. Vous savez, ça m'a l'air assez peu probant. Il y a plein de gens, mais. Nous avons un groupe de jeunes étudiants. Alors, par contre, ils sont rentrés très tardivement hier. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés vraiment quelques minutes avant le changement de journée. Donc, je sais pas si ça correspond. Et d'ailleurs, c'est un groupe de 6 personnes, pas de 5. Mais sinon, nous n'avons pas plus proche. Donc, nous avons perdu un ami. Et du coup, c'est un groupe de 5 personnes maintenant. Et bref, il donne les noms. Et vous dites simplement qu'actuellement, ils sont dans tel cours, dans tel amphithéâtre, et que vous pouvez donc aller les chercher. Parfait. Il est temps de rentrer en pleine classe avec des bâtons et des frappes. C'est la technique Kornilov. Vous allez les chercher, vous retraversez encore un bon moment ce bâtiment un peu pénible. Et vous arrivez enfin, vous arrivez enfin à un amphithéâtre dans lequel, quand vous entrez, vous demandez les 5 noms que vous a transmis. Et vous voyez des élèves un peu incompris. Alors, les élèves, c'est vraiment des jeunes adultes, quoi, entre 16 et 21, 22 ans. Un peu un regard compréhensif, mais qui se dirige malgré tout vers vous. Et une fois à l'extérieur de l'amphithéâtre, c'est vous qui avez la main. Et effectivement, un jeune blond aux yeux verts dans le groupe. Bonjour la jeunesse. Salut. Vous auriez pas été témoin d'un accident récemment par hasard ? Non. Bon, pas d'un accident alors, d'un meurtre intentionnel ? Alors ça non plus, faut dire que ça court pas les rues. Je l'éclate. Non. Ouais. Ça va être de la violence, hein, vous, monsieur. Je... Et ben, vous allez en voir un de meurtre. Non, mais par contre, je pense qu'il faut quand même. On est quand même les métropolites qui allons interroger les petits étudiants et tout. Donc là, on peut vraiment se permettre d'afficher des regards, mais hyper vénères. Et ouais. Je pense que Cornelove est là-dedans. Mais du coup, on va pas faire good cop, bad cop. Je pense qu'on va faire bad cop. Tu vois, juste le fait de mal le regarder, tu vois, genre pour le mettre la pression. Ouais. C'est les flics qui viennent te chercher à la sortie du collège, tu vois. C'est ça. Donc vous mettez à vraiment à maintenir un salariat, vous voyez que. Mais je comprends pas votre question. Enfin genre, sinon on serait pas là en cours. Vous êtes rentré très tard hier. Ouais. On a fait une fête. C'était la nif de lui là. C'est le blond ? Non. Ah. C'est un petit brun qui mesure genre vraiment 1m70, 1m65 même, tu vois, qui est plutôt petit. Vous avez des preuves de ça ? Bah bien sûr, on a passé la soirée à boire dans un petit bar très sympa. Ah non, attendez, vous avez vu le prix chez lui ? Attends, mais nous, vous avez cru qu'on est payé comme vous ? Je suis désolé, mais non, on peut pas se permettre. Vous connaîtriez pas un autre groupe de jeunes qui serait rentré hier soir ? Peut-être qu'ils auraient dû vous rejoindre, qu'ils n'ont pas rejoint ? Voilà, non, pas du tout. Enfin, nous, on était 6, on devait être 6 à la base, on a été 6, ouais. Tout s'est bien passé. D'accord, et là, actuellement, vous êtes 5 ? C'est une question Là, actuellement, nous sommes 6. Ok. C'est la blague avec Hugo alors qu'il m'a perdu. Oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas venus travailler aujourd'hui ? Des absents ? Je sais pas, moi. Il y en a toujours 2 ou 3 qui sèchent. Hein. Vous savez ce que c'est. Vous avez les mêmes costumes qu'hier ? Ouais. On est en tenue d'étudiant, on se doit d'apporter, de représenter notre université. Tendez vos bras. Tous y tendent leurs bras. Il est en train de regarder les boutons de manchette. Regardez les boutons de manchette, et vous remarquez une chose, c'est que tous les ont, mais ils sont tous bleu azur. Dites-moi, vos petites loges, là, ils auraient pas des boutons de manchette différents ? On va dire dans le quartier, bah si, justement, c'est le jeu des écoles. On a chacun notre petite couleur, et comme ça, quand on se croise, il y a des petits jeux de regard, des trucs comme ça, enfin, vous voyez. Mm-hmm. À tout hasard, est-ce que vous connaîtriez la loge qui vêtit de brun mordoré ? Ah, ouais, c'est les... Pardon, ça, tu vois qu'il allait faire une blague et qu'il a recroisé vos regards. Ouais, oui, mais bien sûr, c'est la loge des aliénistes. Cornelove. Vous les connaissez bien ou vous restez vraiment entre vous ? Bon, attends, ça restait entre nous, mais tu sais, excusez-moi, vous savez, il y a une petite guerre de d'école, quoi. Et du coup, quand on se croise, il y a des, comme j'ai dit, des jeux de regard, tout comme ça, mais on se mélange pas tant que ça, mais ce qui fait qu'on se connaît tous un peu de réputation. D'accord. Je vais me rapprocher de vraiment d'un pas, tu vois, genre décider le fait pour intimider le plus possible du fameux blond aux yeux verts. En lui disant, explique-moi pourquoi t'étais sur le lieu du crime, toi, déjà. Tu vois, qui te regarde, fait, pardon, mais j'y étais pas. T'as utilisé quoi pour faire tomber la poutre? T'as eu une corde ou t'as tiré dessus? Pardon? Mais de quoi vous parlez? De quelle poutre? Mais quoi? Il a l'air sincère, vraie question. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'il est... Enfin, non. Non, c'est pas ça. Je réfléchis à une autre information, mais... Ça fait pas. T'as le droit de montrer cette réponse ou de me demander un test ou autre. Peut-être que... Je sais pas. Mais vu attends, dans je vais demander quand on veut voir des trucs, est-ce qu'il a l'air de bien ou pas. Okay. Eh bien... Esther, tu es persuadée. Mais quand je dis persuadée, c'est vraiment... Tu vois, genre, tu te poses la question, tu... Non. Il est sincère. Ok, ouais, bon, ça paraît cohérent avec les indices qu'on a, mais ça valait le coup de tenter. Je laisse Kornilov le Kornilover un coup, et puis... Bon, dernière question avant qu'on vous mette au trou. Est-ce que vous connaissez pas un roux qu'il soit chez vous ou chez les aliénistes, qui a mal tourné récemment, peut-être dans les 3 derniers jours, qui a complètement perdu les pédales, qui s'habille plus comme il faut, qui fait plus attention à lui. Un mec qui aurait même peut-être arrêté de venir depuis 3 jours. Non. Et là, t'entends une voix d'un des 6 qui parlait pas jusqu'à présent. Moi, j'ai entendu un truc sur ces minables de... Enfin, excusez-moi, c'est les messieurs des aliénistes. Mais c'était pas du tout récent, c'est pas il y a 3 jours, c'était il y a une teinte de ça, quoi. Genre... Mais disons que la loge fait tout pour que ça reste entre eux, parce que justement, après, on peut grave se moquer d'eux. C'est un peu honteux, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, il y a un gars qui a été viré, et c'était genre... Il était à peine en dessous du maître de la loge, quoi. Il était bonne répute et tout. Et en fait, il y a genre... juste avant, genre l'année dernière, fin d'année, genre en morte, bah vous voyez, il y a un mec, enfin, je suis désolé, moi je ne connais pas son nom, mais... C'était un aliéniste reconnu et tout. Et en fait, il a été viré, quoi. Et le truc, c'est que du coup, il y a plein de rumeurs sur le pourquoi. Et apparemment, il a grave fait une dépression. C'est quoi les rumeurs sur le pourquoi, celles qu'on entend le plus souvent? Bah, ce qu'on dit, après, ça paraît gros, mais apparemment, il était lui-même un aliéné. Genre, il a fait carrière et tout, alors que lui-même était malade. D'accord. Bon. Je pense qu'on va vous laisser... Ben, on va vous laisser tranquille pour cette fois. Ah, oui, monsieur. Et qui retourne en classe. Oui, dégagé. Ok. Vous avez donc... fini votre mise à la gêne. Je vous laisse débrief et me dire ce que vous voulez faire ensuite. Moi, je pense qu'on va aller voir les autres. Ouais. On va aller chez les aliénistes. Ok. Eh bien, vous sortez de ce bâtiment et vous dirigez vers la loge des aliénistes. Quand vous arrivez, c'est un bâtiment beaucoup plus standard qui vous attend. Même des fois un peu trop, parce que c'est vraiment une grosse bâtisse vraiment rectangulaire, tout ce qu'il y a de plus classique. qui manque peut-être un peu de charme, mais qui semble en tout cas être plutôt solide et bien construite. Vous rentrez dedans et très rapidement, encore une fois, vous êtes accueillis. Bien le bonjour, que puis-je faire pour vous ? Bien le bonjour. Première chose, 5 ou 6 étudiants sont rentrés entre hier soir et aujourd'hui. L'un d'entre eux est blond aux yeux verts et ils allaient à tel café de temps en temps. Je veux savoir qui c'est. Eh bien, nous allons essayer de trouver ça, mais ça risque de demander du temps. Ben, vous avez intérêt parce qu'on est métropolite. Eh bien, j'ai vu votre tenue, vous inquiétez pas, mais... Vous savez, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez faire entraver notre enquête ? Bien non, nous avons juste quelques centaines... Soit, c'est ce que nous allons faire. Vous avez besoin d'une deuxième chose, dans laquelle vous voulez voir quelqu'un de particulier en attendant ? En attendant, j'aimerais voir le responsable des lieux. Très bien, je vous fais venir le maître de la loge. D'ici la fin de votre rendez-vous, nous espérons avoir des résultats. Nous allons voir sonder les élèves, voir qui correspond à vos critères. Merci. Ouais. Bon, bah, bougez pas, hein. J'appelle. On devrait venir vous chercher. Oui, qui s'écarte. Assez rapidement, il revient et fait « Oui, c'est... » Assez rapidement, il revient et fait « Oui, bah, c'est bon. On va venir vous chercher. Vous allez pouvoir voir maître de la loge. Vous pouvez aller vous asseoir là-bas en attendant. » Merci. Il vous laisse vous éloigner. Quelques minutes plus tard, effectivement, on vient vous chercher et en fait, on vous fait traverser tout le bâtiment pour arriver à une pièce bien fermée. Puisqu'encore une fois, voilà, il faut séparer les pièces qui sont semi-ouvertes parce qu'elles sont fermées par des rideaux et les pièces fermées par des trucs importants. Et vous arrivez donc au bureau du maître de la loge. Ou plutôt, maîtresse de la loge. Vous rentrez dans le bureau une fois que on vous a annoncé. Et on vous présente tout simplement... Madame Jacobs, qui est du coup la maître de la loge, du coup, aliéniste. Pour la décrire rapidement, pour la décrire rapidement, là, je crois, avoir quand même l'image sous les yeux, voilà. C'est une femme blonde qui a une coupe au carré. Elle a quand même une bonne quarantaine d'années, hein, ça commence à se voir sur le visage. Et vous remarquez que malgré le fait qu'elle a un regard vraiment sévère, elle a quand même une élégance dans son maquillage, donc yes, quelque chose qui a l'air quand même assez à la fois cohérent et en même temps un peu étonnant d'avoir un maquillage aussi élégant pour une personne qui a l'air quand même assez sévère et fermée. Quoi qu'il en soit, elle vous accueille d'un signe de la main et vous dit de vous asseoir autour de son bureau. Bon, on s'installe. Messieurs. Enchanté. Nous sommes là de la part du ministère. Nous aimerions parler de cette affaire avec monsieur... Comment s'appelait-il déjà ? Le rouquin. Que vous avez expulsé. Oui, il voulait parler de Mathieu. Oui, Mathieu comment déjà ? Il s'agit de Mathieu Verneuil. Merci. Pour quelle raison vous l'avez expulsé ? Voyez-vous, lors d'un procès d'aliéniste, eh bien, il a été révélé que Monsieur Mathieu Verneuil était lui-même aliéné. Et que, par conséquent, il ne pouvait pas continuer à faire ce métier. Et nous l'avons donc prié de rentrer chez lui, chose qui a été faite. Hmm. Je ne connais pas particulièrement votre profession, mais est-ce qu'il y a des types d'aliénation et duquel ferait-il ? Bien sûr, il existe énormément de types. C'est vraiment quelque chose de très détaillé, mais monsieur Mathieu, il est atteint de ce que nous appelons une psychose hallucinatoire. C'est-à-dire qu'il a des crises d'hallucination dans lesquelles il peut perdre le contrôle de ses actes, de ses émotions. Et vous ne l'aviez pas remarqué jusqu'à aujourd'hui ? Non, il faut dire que il semblerait qu'il a su très bien masquer son jeu. C'est même assez impressionnant, c'est même la première fois que je vois ça dans mon métier, mais il semblait... il a su apprendre ce qu'il fallait pour le masquer aux yeux de tous, ou du moins, je ne sais guère comment il l'a vraiment fait, mais il s'est masqué. Il a été revu depuis, dans les parages ? Non, non, enfin, nous avons failli, voyez-vous, nous avons vidé son bureau, mais il n'est jamais passé le prendre, alors nous l'avons relancé de multiples fois, il nous a demandé un peu de temps, nous lui avons donné du coup du temps, et lors du début de Sanguine, il nous a dit qu'il passerait, il n'est jamais passé du coup les prendre, alors qu'il devait, quand même, il y a l'une de ça, commencer à récupérer ses affaires. Vous avez son adresse ? Bien sûr, c'est un ancien qui a travaillé chez nous. Nous avons forcément son adresse. Et vous l'indique, bien évidemment. Merci. Autour de quel âge il tournait exactement ? Mathieu a une trentaine d'années. Il a exactement... Que mes souvenirs soient bons. 10 ans moins que moi, donc il doit avoir 31 ans, bientôt 32. D'accord. Est-ce que, par le plus grand des hasards, vous ne sauriez pas si c'est fait des ennemis parmi vous ? Oh, parmi nous, il a été... Je resterai poli sur son cas, mais disons que beaucoup ont mal pris sa mascarade. Cependant, de là à parler d'ennemis, il s'agit plus d'une sale réputation, je pense. Bon, ennemi est peut-être un peu trop fort, disons simplement. Des gens qu'il n'apprécierait pas et un jour déciderait de l'écraser sous une poutre. Cela me semble être même un peu plus fort qu'ennemi, ce que vous me dites là. Mais bon, colère, ça arrive ce genre de choses, vous savez. Ma réponse est la même. S'il a été renié de notre loge et considéré comme un chevalier d'industrie, excusez-moi mon langage, eh bien, non, je ne vois pas de personne, en tout cas directe, qui pourrait lui en vouloir, si ce n'est toute la profession. Vous êtes un métier pris au sérieux ? Bien entendu, nous sommes une loge. Nous sommes reconnus. Disons que là où nous devons faire nos preuves, c'est sur l'efficacité de certains traitements, mais en tout cas, et surtout aussi l'efficacité de certaines maladies. Mais aujourd'hui, nous considérons malgré tout que nous sommes de bons clients. Et, à vrai dire, nos clients, justement, sont plutôt des personnes de la haute qui peuvent avoir souvent des enfants, qui peuvent avoir certaines aliénations et dans lesquelles nous intervenons pour les aider simplement à corriger cela. Je vois. Je n'ai pas d'autres questions particulièrement. Les autres ? Non, c'est bon. Eh bien, très bien. Dans ce cas, je vous laisse... sortir et si vous avez besoin, vous pouvez passer. Ah si, peut-être. Allez, une question. Est-ce que vous savez si Mathieu vous a quitté avec sa tenue officielle, enfin tenue habituelle, ou est-ce qu'il vous l'a rendue ? Ah oui, si vous parlez de la tenue universitaire, effectivement, il nous a pas rendu le veston. Très bien, merci. Je m'en doutais, mais bon, ça valait le coup de la poser quand même. Très bien, donc si vous n'avez pas d'autres questions, tout simplement à vous. Non, de mon côté, c'est bon. Congédie. Et vous pouvez donc sortir de là. C'est assez fou comme les choses ont l'air quand même plus claires que sur l'affaire auquel vous pensez. On n'a pas tous les éléments, j'ai l'impression, en main, mais bon, on a quand même. Les faits ont l'air de converger vers plusieurs grosses options. En tout cas, on verra si jamais les enquêteurs qu'on a envoyés interroger les victimes et les. Enfin, les victimes, du coup, les proches des victimes. Nous rapporte des choses qui réveillent notre intérêt sur d'autres pistes, mais pour l'instant, celle-ci me semble. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble assez correct. Très correct. Ok. Beau travail d'interrogatoire, en tout cas. C'est assez impressionnant comme vous arrivez à leur tirer les vers du nez et à leur balancer un nom dont vous ignorez vous-même la constance dès le début. Vous apprendrez à faire ça un jour. La fameuse technique Kornilov. Bon, allons voir le secrétaire là, qui doit nous avoir trouvé quelque chose. Eh bien, tu vas voir le secrétaire et le secrétaire fait ouais. Alors, on a un peu cherché, mais le problème c'est que on a personne qui est rentré tardivement hier qui correspond à vos critères. C'est quoi les critères qui posent problème? Alors, le fait d'être rentré tardivement. On a plein de groupes, enfin, c'est normal, les gens traînent généralement en groupe. Et, bon, on a ciblé quelques élèves qui pourraient être du coup membres, enfin, membres d'un groupe, ce genre de choses. Et pour le coup, non, il n'y avait rien de spécial, juste pas rentrer tardivement. Alors peut-être que s'il s'agit des gens qui sont pas rentrés, ça peut coller, mais en tout cas là non, y a rien. Bon, je suis pas sûr de pouvoir sortir quelque chose d'autre de celui-là, donc. Très bien. Vous sortez de là et est-ce que vous essayez de faire quelque chose de particulier? Ouais, on a l'adresse du monsieur, non? On les revisite? Ouais. Ça me paraît bien. Alors que oui. Très bien. Vous mettez donc en route vers ce qui doit être normalement son appartement. Après une bonne petite demi-heure de vélo, vous arrivez du coup à son appartement. C'est le genre d'appartement qui ne sont pas seuls, un peu comme vous, votre QG, hein, c'est plusieurs étages avec plusieurs locataires à chaque fois. Et le quatrième étage semble être le sien. Est-ce qu'il y a une porte arrière? Alors c'est une bonne question, ça c'est rare parce que souvent en fait les bâtiments dans Eclipse sont quand même pas mal collés, ce genre de choses, donc les portes arrière mèneraient chez les gens. Mais du coup si tu regardes là, dans ce cas-là, on est plutôt en fait dans ce cas-là, c'est-à-dire que la maison en fait derrière donne sur une ruelle et la porte arrière donnerait du coup sur l'extérieur et il n'y a pas la place pour des escaliers, donc il n'y a juste pas de moyen de sortir de D'ailleurs, ce côté. C'est une autre question du coup, qui n'a rien à voir avec l'enquête, mais comme ça c'est pour le lore, je saurais. Est-ce que les incendies c'est fréquent dans l'univers des crimes? Parce qu'en un sens il n'y a pas beaucoup de bois, mais dans l'autre, vu que tout est si. Enfin, dans l'univers des crimes, à Venise on va dire plus précisément. Mais en même temps, tout est collé, même est-ce que sans bois, est-ce que ça compense, est-ce que... Alors, c'est pas si fréquent que ça, mais ça existe. D'ailleurs, vous en avez vu un. Ouais. En fait, c'est vrai que le plus dangereux dans les crimes, c'est surtout le fait que si l'incendie n'est pas rapidement arrêté, le métal peut commencer à fondre. Et dans ce cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment très vite déraper. Du coup, c'est souvent très protégé, mais le truc, c'est comme en fait, il n'y a pas de papier, il n'y a pas ce genre de... vraiment de tissu, c'est-à-dire que très souvent c'est du cuir, c'est des trucs qui sont reproduits, etc. Donc niveau inflammabilité, c'est pas non plus incroyable, mais ça arrive, hein. Bon, c'est pas non plus ultra rare, mais c'est pas aussi fréquent que nous dans notre monde, pour faire le parallèle, quoi. Merci. Pas de soucis. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de sortie de secours, je propose qu'on Il rentre tranquillement. Mais ce que, à la limite, ce qu'on pourrait faire, enfin, c'est. Je sais pas, est-ce qu'il y a des parapluies dans le monde des crimes ? Je sais pas du tout. Alors, en fait, j'allais dire, s'il a l'air d'être un peu chelou, s'il nous verrait arriver au loin par sa fenêtre, il serait capable de prendre la fuite. J'aimerais quand même qu'on arrive à le choper en partant des principes qu'il soit chez lui. Donc, est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'essayer de rentrer discrètement ? Mais j'avoue que je vois pas du tout comment on pourrait faire ça. Donc, Ça me semble un peu compliqué. Ouais, on rentre non juste et on verra bien. Ok. Vous allez au niveau de la porte et vous vous saisissez du heurtoir tout simplement pour frapper la porte et du coup attendre qu'il vous ouvre. Sauf que après déjà quelques très longues secondes, vous n'entendez rien et la porte ne semble pas s'ouvrir. Vous retoquez. De la même façon, absolument rien ne se passe.